écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Des informations véridiques de même, on retrouve ça encore plus dans C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Tout le temps. Tout le temps, et on essaie de démystifier ça en jasant. Internet. C'est ça, Internet, on regarde, puis on dit n'importe quoi. On en jase. C'est ça. Tiens, parlant de ça, on va commencer avec le Super Bowl, on l'a dit, c'est le sujet de la journée. Le Super Bowl, je pense que tout le monde le sait, mais des petites informations que peut-être que vous n'avez pas entendues pendant les 8 heures de pré-match. Oui. Ça se pourrait qu'il y en ait une là-dedans que vous ne connaissiez pas. Il n'y a jamais eu de shout-out au Super Bowl, ça c'est quand une équipe perd complètement contre l'autre. Les Miami Dolphins ont le record pour le moins de points qui ont été faits pendant le Super Bowl. Donc c'est 3 contre 24 de Dallas. C'était dans le Super Bowl 6. Mais je te dirais qu'on n'était pas bien loin hier. C'est combien le record, le 46 score? 46 à 8. Yo, 8, hein? C'est les Seahawks qui ont gagné. Oui. Enfin, c'est tout ce que je sais. Je pense que l'année passée, j'avais dit le mauvais nom d'équipe qui avait gagné en nom. Oh non! Parce que c'est ce que je pensais avoir entendu, mais finalement, c'était genre... Ils sont les pires joueurs ever. Ou je sais pas pourquoi. C'est bon. Le quart des Américains pense que Dieu aide à choisir le résultat final des parties du Super Bowl. Okay. Le quart des Américains, 25%, ben là, c'est Dieu qui a choisi les Seahawks. Hein. Clairement, les Seahawks ont fait quelque chose. Hein. Ben, j'ai vu la main hier. La main de Dieu. La main de Dieu, oui. En train de se gratter, là. En train de manger des ailes de poulet. Pendant le premier Super Bowl, NBC était toujours en pause publicitaire quand on a commencé la deuxième moitié de la partie. Les officiers, les gens qui s'occupent de ça, ont demandé aux Packers de botter une deuxième fois pour la télé. Ah oh, ouais, OK. Ils ont annulé. Ben là, on est en ronde, là. C'est plate, hein? Ben oui. Mais ça a dû quand même prendre un bout de temps. Le temps que le gars s'en rende compte. Oui. Qu'il descende. Hey les gars! Faites-le! Puis tu sais, il devait être convaincant, maudit, pour dire on va recommencer. Prise 2! Prise 2! Cooper! Non, on t'entendait pas bien, tu te mettras plus de profil. Comme un film. Oui, oui, ouais. C'est ça. Plus d'émotion, s'il te plaît. Oui, c'est ça. C'était moins ressenti. Oui. Bruno Mars. On sait, c'était le spectacle de mi-temps au Super Bowl. Eh bien, il écrit sa propre musique, hein. Et c'est lui qui a écrit la chanson F You de CeeLo Green, tu sais, Fuck You. Là. Ah, OK. L'original, Fuck You. C'est lui qui a écrit ça. Explicite, entre parenthèses. Explicite, oui, c'est ça, pour de diffusion seulement sur les ondes des radios qui ne comprennent pas l'anglais. Hein? Le National Chicken Council, il y a un conseil national du poulet, d'accord, qui estime que combien d'ailes de poulet ont été mangées par le Super Bowl d'hier? Combien d'ailes de poulet? Ah, beaucoup. Est-ce que ça va dans les millions? Oui. Dans les milliards? Je sais pas si ça va dans les milliards. Ça va dans les milliards. Ah, misère. Ah, milliards. Ah, milliards. C'est 1,25 milliards d'ailes de poulet. J'irais dans la centaine, certainement du million. C'est dans la centaine, au moins une centaine. Au là, moins une centaine. Au moins 3-4 douzaines. Ouais. Ça, c'est par personne. Très drôle, mais non, c'est ça, c'est un estimé. Donc, on n'a pas les vrais chiffres. Moi, je veux, d'ici la semaine prochaine, comme les codes d'écoute, ils sortent les codes d'écoute rapides le soir même, puis le lendemain. Le nombre d'ailes de poulet mangées. C'est ça. En tout cas, moi, je peux tout de suite vous dire, j'en ai mangé 18. Bon. Fait qu'il y a plus 18, OK, je mets ça à côté, après ça, je mets le 1 en haut. On libère les lignes, appelez-nous. savais-tu, te rappelles-tu de Janet Jackson et son célèbre incident de brassière là, oui, au Super Bowl avec Justin Timberlake? Oui. Ça fait 10 ans de ça. Ah, mon Dieu! Ça fait 10 ans. C'était en 2004! Hey, là, tu me rajeunis pas, Mathieu. Ben, c'est ça, moi non plus, parce que pour vrai, j'ai l'impression que c'était là 3-4 ans. Ça. Ben oui. Mais non, 10 ans, le temps passe tellement vite. Incroyable. Combien d'avocats le... truc vert. La guacamole. Mais même c'est un fruit ou légume, ça. C'est un légume. Un légume. Donc, le légume, évidemment, l'avocat. J'ai dit d'une façon convaincante. Oui, mais t'es pas non, sûr. Non, en ce moment, je suis en train de douter. Non, je suis sûr que c'est un légume. On est dans le même bateau. Mais donc, mettons le légume, l'avocat. OK. Combien de livres d'avocats ont été consommés pendant le Super Bowl en 2013? Et là, on a les vrais chiffres parce que c'est l'année passée. OK. De livres pour faire des guacamoles. Oui. Entre autres, là. Dans le monde. Pour le Super Bowl. Donc, tu sais, le Super Bowl, c'est pas tellement mondial. Je pense pas que ce soit tellement mondial que ça. Non, on a demandé à des Européens c'était quoi le Super Bowl, fait qu'ils l'expliquent, des Anglais. On leur a demandé, puis ils sont pas capables de l'expliquer. Ah, okay. C'est du football américain, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. C'est pas partout le Super Bowl. Ah, ah. On est au Canada, c'est juste les copieurs des États-Unis. Ah, ça doit être ça. Attends, donc ça doit être mondial d'abord. Pareil. Parce que de toute façon, ça change rien. Non, de toute façon, tu l'auras pas vu. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est en millions, Mathieu? Oui, c'est en millions. Est-ce que c'est dans la dizaine ou dans la centaine? C'est au moins dans les dizaines. C'est au moins dans les dizaines. Mais pas dans la centaine. Donc, on est dans les 80 millions. Descends un petit peu. Dans les 60 millions. Monte un peu. 70. Price is right, monte un peu. 73. Monte un peu. 74. Non, monte plus. 79. Bon. Hey, ça valait la peine. 79 millions de livres d'avocats consommés pendant le Super Bowl en 2013. Moi, je me demande ce qu'ils font avec tous ces noyaux-là. C'est vraiment un gros noyau, un avocat. C'est vrai, hein? Est-ce qu'on peut faire un lancer, comme le lancer du bigorneau, un truc, le petit noyau, genre que tu peux... Ouais, je sais pas. Tu fais ça, je sais pas. Alors, en 1977, le divertissement pré-Super Bowl, donc il y avait comme un divertissement avant la partie, là, c'était Ashley Whippet, un chien qui attrape un frisbee. En fait, ça faisait partie du divertissement avant le Super Bowl. OK. C'est quand même cool, hein? Ouais. Aller voir un chien qui attrape un frisbee. Ensuite de ça, allons-y avec celui-là. Tiens, les États-Unis, la Cour d'appel américaine a officiellement dit que le cheerleading de compétition, c'est pas un sport. Ah! Ils l'ont dit. C'est dit. Donc maintenant, on peut plus dire que le cheerleading compétitif est un sport. Bon. Aux États-Unis. Au Canada, on sait pas. Ça sent bien. Je les vois encore le dire, tu sais. Oui. Mais en même temps, c'est quoi la différence entre ça et du golf? Hein? Ouais. Mettons, ouais. Ou du billard, tu sais. Ouais. Tant qu'à ça. Putain, c'est quand même physique. Ouais. Là, on faut y aller sur la définition du sport. C'est quoi un sport? C'est physique. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. En tout cas. Ça prend un certain talent. Un uniforme. Ouais. Un public. Une équipe. T'sais. Ils ont pas mal tout ça. Ouais. En tout cas. Mais bref. C'est la cour d'appel qui a dit que non. Les études nous apprennent que les gens se sentent mieux et plus en santé physiquement la fin de semaine. OK. Ils se sentent mieux. Moi, on dirait que je me sens moins bien la fin de semaine parce que je m'évache toute la fin de semaine puis mes muscles sont tout endoloris. Ah. Puis je dors pas beaucoup. Bon. Ouais, mais bon. Les gens sont plus en forme, en théorie, selon les études. OK. Est-ce que tu te trouves plus en forme la fin de semaine? Ben... C'est psychologique, hein? C'est juste qu'on est au bureau la semaine, la fin de semaine, pour faire ce que tu veux. Ouais. On n'en profite pas assez de la fin de semaine. Non. La France, savais-tu ça? La France a une petite population de kangourous sauvages. Ah! Ah! Toujours dans le Super Bowl, ça? Toujours dans le... Ouais, c'est ça. Maintenant, on se part. Chuck Norris est le fondateur de son propre art martial, le Chun-Kuk-Do. Chun-Kuk-Do, qu'on étudie partout dans le monde. OK. Ouais, c'est Chunkukdo. Chun. Le Chun. Chun-Kuk-Do. Parlant d'arts martiaux, le karaté, au départ, s'appelait le T. T-E. OK, juste T-E. Plus tard, ça a été influencé par des artistes d'arts martiaux de la Chine qui l'appelaient karaté, qui voulait dire Chinese hand, main chinoise. OK. Sûrement que T, c'était juste la main. Oui. Ouha! Là, c'est ça, il faut faire attention. Si vous allez en voyage puis vous demandez une tasse de thé... Ça se peut qu'ils fassent juste mettre une main dans un bol d'eau chaude. Ah ouais. Ça peut porter à confusion. Casse la dedans face. Ben oui. Le mot du jour, tiens, essaie de deviner ce que c'est PD conférence. Je t'en demande le mal. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. C'est une prédiction du dimanche à une conférence. Wow! Donc, ça, c'est avant le Super Bowl. Ils prédisent qui va gagner. Wow, mais ce serait extraordinaire si c'était vraiment ça. Parce que ça sonne bien. Ouais. Ouais, t'es vraiment un bon menteur. Ouais. Ouais. PD conférence, c'est juste marcher et parler en même temps. Ah. Marcher et parler en même temps. Donc, si mettons, on marche tous les deux dans le corridor ici, on peut dire qu'on fait une PD conférence. Pas trop fort, par exemple. Non. Si tu dis trop fort, ça pourrait porter à confusion. Est-ce qu'on doit se tenir par la main ou par la. le break à bras? Oui. Le corps d'une coquerelle. Le corps d'une coquerelle, oui, peut vivre pendant plusieurs semaines sans sa tête et sa tête peut vivre plusieurs heures sans son corps. Ah, ben c'est pratique parce que si elle était en train de chanter une chanson, elle peut la finir au moins. Dans la comédie musicale, après les fourmis, là, oui, ça va être les coquerelles. Les coquerelles. En juillet 1934, Babe Ruth, tu connais Babe Ruth, la barre de chocolat? Non. Okay. Elle... Le joueur de baseball qui a payé un fan 20$ pour lui redonner sa balle de baseball, la balle qu'il avait frappée pour son 700e coup de circuit en carrière. 20$, hein? Le baseball. Si ça avait été le football, ça aurait été probablement genre 20 millions. C'est ça. Ah, il aurait dit qu'il cherchait ça contre une balle de chocolat? Ben, n'importe quoi. Contre un autographe, une autre balle. Une PD conférence. Une PD conférence. Encore un autre mot à deviner. Nihi l'article. Oui, ça c'est avant. Ça c'est quand tu fais, t'écris un texte. Okay. Puis tu dis, ah ouais, j'ai ni des bottes ni des souliers. Ben c'est un article. C'est un nini article. Oh, wow, c'est super bon. C'est vraiment très, très bon. C'est quelque chose qu'on insère dans un dictionnaire qui est erroné, qui est faux, pour que si quelqu'un le copie, ben, Colin, tu le vois. Une source parce que tu sais que ce mot-là a été inventé juste pour ce dictionnaire-là. Okay. C'est un faux mot. Un faux mot. Faux mot. Je trouve ça le fun, ça. C'est vraiment le fun. Nihi, l'article. Nous, on fait ça aussi avec c'est un fait. Okay. Il y a un fait qui n'est pas véridique. C'est un qui est vrai? Non. Non, pour la joke, il y a un qui n'est pas vrai. Okay. Si quelqu'un d'autre copie notre... c'est un fait, ben là, on peut le savoir. Il y a une page sur Facebook qui s'appelle C'est un fait, puis c'est pas un autre. Oui, d'après moi, la fausse, c'est PD Conférence. Personne n'a osé dire ça. Oui, quand même. Ah. On va faire ça dans un campus. Oui. C'est un faux article. Oui. Alphonse Bertillon, un policier français et un chercheur de biométrie, a standardisé la photo qu'on prend dans le poste de police, par l'avant, sur le côté droit de ta face. Donc, il y a son fils en 1893 pris en photo sur assemblagerequis.com. Ah. La seule source où vous pouvez trouver ça, c'est sur assemblagerequis.com. Wow. Il est pareil. Alphonse Bertillon est son nom. Qu'est-ce que le Nio Taimori? Nio? Nio? Taï? Taï? Ah, celui-là, il est dur. Ouais, c'est un peu, quand c'est pas en français ni en anglais, c'est un peu difficile. Ouais, ça, c'est le nouveau combo chez Taï Express. C'est, ça te donne la force de Néo dans la matrice. Ah oui. Taï, quoi? Mori. Mori. Puis, ben, tu meurs après. Ouais, tu m'as mort. Mori. Donc, Nio Taimori, c'est une tradition. Ouais, vraiment très difficile. Moi, je te félicite tout le temps. C'est la tradition japonaise de manger du sushi sur le corps d'une femme nue. Ah oui! Comme hier. Oh! Comme hier. Ça, c'était des ailes de poulet. Oui, c'était des ailes de poulet. C'est un peu plus dégoûtant, mais bon. Voilà, on aime ça pareil. Nio Taimori. George Washington, qui a donné son premier état de l'Union. Tu sais que Barack Obama a fait son état de l'Union la semaine passée. Donc, George Washington a fait la même chose, mais pour la première fois, en 1790, ça durait 833 mots. Ah. Tu sais, aujourd'hui, on bloque genre une heure à TV sur les grands réseaux pour passer ça. Ça doit durer comme beaucoup plus que 833 mots. Oui, vraiment. Mais bon, c'était le fun à l'époque. C'était bref. Short and quick. Short and quick. Short and quick. Oui, quick. Quick. Il quittait. Un mastif tibétain, ça c'est une sorte de chien. Là je fais juste mettre les mots à l'envers parce qu'en français t'inverses les mots. C'est un Tibetan mastiff. Je pense que c'est un. Ah oui, je sais c'est quoi. Mais c'est. Maudit. C'est beau ces chiens-là. Ouais, je sais, c'est ça, français. C'est pas je... un. Un dog du Tibet. Peux-tu ou mastiff du Tibet. Oh, ça, ça voilà. C'est ça. Ouais. C'est son nom. Bref, il est roux. Il est super cute, il a l'air tout gentil, tout colleux. Donc, il s'appelle Big Splash et c'est le chien le plus cher du monde. Il coûte 1,5 million. Ah ben! En tout cas, pas mal. Pendant sa restauration en 1982, on a découvert que la Statue de la Liberté, sa tête, était décentrée, avait été installée au mauvais endroit, à 2 mètres décentrée du corps. Oh! Mais tellement que c'est grand, ça paraît pas. Ça paraît pas. Mais quand même, et on l'a ajusté en 1982. Ok. Une chance! Ben oui, de quoi il y aurait l'air? Déformé! Un autre mot à deviner, chork, C-H-O-R-K. Chork. Chork. On dirait un plat. Je vais te faire un... T'as-tu du chork? Comme c'est un mélange de porc, puis de... de... chork. De Cheerios. De Chuck Norris. Chuck Norris, ok. C'est très, très beau, il a la bière de Chuck Norris. Là. Oui! Mais tu sais, c'est parce qu'il est tellement invincible qu'il se régénère aussitôt que tu lui prends un morceau de viande. Chork, en fait, c'est le bruit que tes pieds font, que tes souliers font. Ah, gougoun. Non, quand il y a de l'eau dans tes souliers. Ah! Chork. C'est à peu près ça. Pas pire. Le premier téléphone cellulaire donc coûtait 3 300 $ américains. Hein? Et il y avait une durée de vie de la pile qui durait environ 20 minutes. OK. La durée durait 20 minutes. Hé, hey, misère. Et quand même, 3 300 $ pour ça. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça aujourd'hui? Eh, pas grand-chose. Facebook, peut-être un ou deux statuts. Ouais. ce sera mon dernier statut de la journée. J'ai plus de batterie. Merci et bonne journée. Oui. Bon, Louis Armstrong. Ça, c'est What a Wonderful World. C'est ça, hein, Louis Armstrong. Ouais. Donc, il jouait de la trompette tellement qu'il avait des ampoules sur ses lèvres. Il les coupait avec une lame de rasoir. Ah! Gueux! Ouais. Ouais. Les Jeux olympiques de Sochi 2014 vont coûter 50 milliards de dollars. C'est plus que les 21 précédents Jeux d'hiver mis ensemble. Bonté divine. Mais mis ensemble, les 21 derniers. Oui, c'est incroyable. 50 milliards. Tout ça pour la sécurité. Oui, ça doit être juste ça. C'est ça. C'est pour empêcher l'homosexualité. Hein. Faudrait pas que les gens sortent ses enfants. C'est ce que le président a dit. Oui. Fait que s'il faut croire le président, c'est le président. Ah. Hein? un chat nommé Tama. Tama? Oui. Pas Tamagotchi. Tama. Est gérante d'une station de train au Japon. Ça le paie, ça la paie. C'est une fille quand même, Tama. Mm-hmm. Ça la paie en beau fachat. Hein? Et depuis qu'elle est là, depuis qu'elle est gérante, présidente, si on veut, le nombre de passagers a augmenté de 10%. Parce qu'ils trouvent ça cute que la gérante soit une chatte. Eh ben... Le show de chatte. Les passagers ont augmenté de 10%, mais il y a beaucoup moins de trains. Ils sont tout le temps en retard, puis les finances vont vraiment pas bien. Le conducteur dort tout le temps. Ben oui. Parce que la bosse, elle leur montre l'exemple. Ben oui. En dormant tout le temps. Mais il dort pas sur son siège. Il dort comme vraiment pogné, genre, dans une petite boîte à quelque part dans le train. C'est ça. Ou c'est les sacs des passagers. Dans mon cas, c'est sur mon oreiller qui est à terre. Ouais, c'est tout le temps pas rapport, ça. Non. Pas grave, on aime ça. Les lions peuvent rugir, c'est ça qu'on dit, rugir. Mais ils ne peuvent pas ronronner. Ah. Je savais pas ça, les lions ronronnent pas. Mais en fait, ils peuvent, c'est juste qu'à chaque fois que quelqu'un les a grattés assez longtemps pour qu'ils ronronnent, ils sont morts. C'est ça. Le chiot le plus populaire aux États-Unis, qu'est-ce que c'est le petit chiot le plus populaire? Toby. Direct, la vedette de cinéma. Ouais. Peut-être ça. Beethoven. C'est le Labrador Retriever. Ah, je pensais à un chien en particulier. Non. Le Labrador, ouais. Un classique. Ouais, ça fait 23 ans de suite que c'est le plus populaire. Alors, en 1991, un homme a poursuivi Anheuser-Busch, la compagnie de bière, disant que les publicités avec de belles personnes qui avaient l'air d'avoir du plaisir et tout ça, que c'était publicité mensongère. OK. Ouais, ça dit pas qu'il a gagné, donc j'imagine qu'il a pas gagné. Ouais, c'est ça. Et en 1999, Cheerios a produit une quantité limitée de Millennials au lieu des Cheerios. Hein? Il y avait des 2 dans la boîte de céréales pour faire 2000, tu sais, 2 et plein de O. Wow. C'est une bonne idée, là. C'est cool. Très belle boîte, très joli design. Les Millennials de Cheerios. Voilà pour cet fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Pour aller plus loin avec Instagram, vous connaissez tous Instagram, hein? Vous êtes peut-être fan d'Instagram, alors je vous invite à optimiser vos usages du réseau social à l'aide d'applications et de sites web permettant de sublimer vos images et de leur offrir une meilleure exposition, donc pour améliorer les résultats d'Instagram. Premièrement, je vous propose l'application Flipagram. Beaucoup d'utilisateurs d'Instagram utilisent déjà cette application simple comme bonjour pour créer de petites vidéos à partir de leurs photos Instagram, Facebook ou album photo de leur smartphone. Il suffit de sélectionner des images désirées, de les ordonner, puis assortir un petit diaporama, créer une musique issue de votre collection de titres. L'ultime étape, partager l'ensemble sur Instagram, pratique pour recycler ses vieilles photos Insta ou pour relater un événement, étant donné, mettons, vous avez fait une petite soirée entre amis, une remise de prix, n'importe quoi, ça se fait presque tout seul. C'est gratuit, ça se trouve sur le App Store ainsi que sur le Google Play, qui est finalement le App Store pour votre Android. Donc, Flipagram. Autre truc qui pourrait être intéressant pour vous, PicFrame. Donc, PicFrame, c'est 73 cadres et possibilités d'association de photos au format carré à travers cette application en français. En plus, joliment troussé pour réaliser des compositions avec des cadres colorés, des images légendées. Je vais mettre plus d'informations. Vous pouvez mettre de l'accompagnement musical de 30 secondes sur chaque photo et le résultat est à partager ensuite de tout plein de façons sur les réseaux comme Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, etc. Le Hashtagram. OK, qu'est-ce que c'est le Hashtagram? Eh bien, c'est une solution pour récupérer davantage d'abonnés et doper son audience sur Instagram. Accompagner ces photos publiées de hashtags, le flemme de les saisir vous-même, cette application en recense 12 820 supposément efficaces. Il suffit de sélectionner une séquence de 30 automatiquement générée et de l'insérer dans une légende avec votre photo. Dommage quand même que l'on ne puisse pas retrouver ces hashtags classés par thème. tout à fait. Mais donc, ça peut être quand même pratique. Ça aussi, c'est gratuit sur le App Store et le Google Play. Pardon, tantôt, je vous ai parlé de PicFrame, là, les cadres. Eh bien, ça, c'est à 75 cents sur Google Play. Ça doit être 1$ sur Google Play parce que là, c'est en euros. Donc, 75€, donc ça doit être à 99 sous. Pour le Android et à peu près la même chose pour votre Mac. Sinon, l'outil abonné, très particulier, c'est comme nom en tout cas, cet outil de gestion joue pour vous le rôle de mouchard. Grâce à lui, vous pouvez comptabiliser tous vos j'aime reçus, connaître le nombre de vos suiveurs, ceux que vous avez gagnés ou perdus. Et pour 1$, eh bien, un pack d'options supplémentaires vous signale en plus quels sont les followers qui vous préfèrent, ceux qui commentent le plus aux images et même ces abonnés fantômes qui vous suivent sans jamais liker ni commenter vos œuvres d'art. Donc, ça s'appelle Abonné et c'est gratuit sur le App Store, pas disponible pour Android. Sinon, autre petit truc bien intéressant, Postagram. Vous êtes fiers de vos créations sur Instagram et désirez les partager autrement? Eh bien, avec cette application, vos plus belles images peuvent se métamorphoser en véritables cartes postales. Sélectionnez celle désirée, écrivez un message dessus, oui. Sélectionnez l'adresse de votre correspondant et payez 1,99$ la carte, frais de port compris et posté. Quand même pas cher, bien intéressant, Postagram. C'est gratuit pour le App Store ainsi que pour Android. Autre petit site, cette fois-ci, c'est un site intéressant, ça s'appelle Copygram. Ce site permet de classer l'ensemble de vos photos Instagram, celles des personnes que l'on suit, mais aussi de retrouver toutes celles que l'on a aimées par le passé. Mieux, en un clic, on peut réaliser un backup de l'ensemble de ses propres photos. Dès lors, Copygram vous adresse un lien permettant de télécharger l'intégralité de vos archives photos postées sur ce fameux Instagram. Donc, peut-être que vous allez pouvoir aller plus loin avec cette petite application. Ouais, c'est pas merveilleux? Ici, autre, tant qu'être dans les conseils, on pourrait aller avec ça, hein? Non, on va aller avec quelque chose de plus léger. Ça fait déjà quelques fois qu'on a des nouvelles par rapport aux toilettes à Sotchi, hein? Justement, ça commence comme ça l'article. C'est après les toilettes jumelles qui ont fait le tour du web. Les toilettes de Sotchi sont à nouveau le centre de l'attention. C'est un athlète canadien qui vient de partager sur Twitter les instructions à suivre lorsqu'on se rend au petit coin. Premièrement, alors que les Jeux olympiques d'hiver approchent à grands pas, les règles de vie sont renforcées jusque dans les moindres recoins. Et c'est le cas de le dire ici. C'est Sébastien Toutant, un snowboarder canadien qui se retrouve à Sotchi pour les compétitions olympiques, qui a posté samedi dernier un tweet montrant les instructions à respecter aux toilettes. Décidément, pas comme les autres. Je vous explique le pictogramme. Premier pictogramme qui montre que ça, c'est la façon à faire. C'est on s'assoit sur le bol et on fait ce qu'on a à faire. Vous comprenez? Ça, c'est assez clair. Deuxième dessin avec un gros X rouge. On peut pas faire pipi debout. Messieurs, on n'a pas le droit de faire pipi debout à Sotchi parce que des gouttes peuvent revoler. Puis surtout quand tu as deux toilettes une à côté de l'autre, ben là, si tu fais pipi debout, premièrement, l'autre personne voit ton sexe. Bon, ça, on peut passer, c'est pas très grave. Mais là, tu fais pipi debout, tu vas lui envoyer des micro-bulles aériennes d'urine, donc contamination assurée, c'est dégoûtant. Pas le droit de faire pipi debout, messieurs. Autre truc qu'on n'a pas le droit à Sotchi, eh bien, c'est, premièrement, de vomir, hein? On n'a pas le droit de vomir dans les toilettes à Sotchi. Non, on voit le pictogramme d'un petit bonhomme qui est à genoux devant la cuvette, la tête couchée vers le grand téléphone blanc, essayant de lui parler, essayant de trouver quelque chose à l'intérieur. Non, pas le droit de s'installer comme ça aux toilettes. Autre pictogramme tout de suite après où on n'a pas le droit du tout, du tout, du tout, c'est de s'asseoir les pieds sur la cuvette. Donc, on est je sais pas, là, c'est une façon un peu extraordinaire. Comment qu'on nous dit ça? C'est uriner debout ou les pieds sur la cuvette. Les pieds sur la cuvette, si l'envie prenait des athlètes de pêcher dans les toilettes non plus, on n'a pas le droit. Il y a un des pictogrammes, je vous le dis, c'est quelqu'un avec une canne à pêche. On n'a pas le droit de pêcher dans les toilettes. Et l'autre pictogramme, qui lui, me semble complètement ridicule, c'est qu'on n'a pas le droit non plus de consommer de l'alcool ou des stupéfiants aux toilettes. La personne est assise à terre devant le chose. Il a l'air éméché, le petit pictogramme, et il a une bouteille dans les mains. Donc, pas le droit de vomir, pas le droit de pêcher dans les toilettes, pas le droit de s'asseoir les pieds sur la cuvette. Donc, c'est assez bizarre comme façon de faire de toute façon. Moi, personnellement, j'ai jamais tenté la chose. Et puis, pas le droit de consommer dans les toilettes, pas le droit d'être debout. On a le droit d'une seule chose aux toilettes, c'est d'être assis sur la cuvette. Ce qu'on y fait, là, par contre, on ne le sait pas. Alors, allez voir ça. C'est une signalisation sans équivalent connue au monde, ça, c'est sûr. Et qui ferait décidément des toilettes de Sochi un lieu unique au monde. On espère juste que ce ne soit pas un magnifique fake. Parce que, en tout cas, c'est vraiment drôle. Partagez la photo, partagez la nouvelle. C'est vraiment hilarant. Tiens, on s'en fait une petite dernière avant de poursuivre en musique. Tiens, on va parler du le roi du tatouage qui est privé de passeport. Eh bien oui, très fier de ses tatouages, ce Britannique habitant de Birmingham a donc demandé à ce que cette formule, un brin pompeuse, devienne officiellement son patronyme. OK. Matthew, qui accepte aussi de se faire appeler plus simplement Body Art, a même réussi à convaincre l'administration britannique de lui accorder un permis de conduire à ce nom. En revanche, les services des passeports ne partagent pas du tout cet avis. Ils veulent mettre son nom de naissance et s'insurge le jeune homme dont les tatouages recouvrent 90% du corps et du visage compris. Oui, c'est une atteinte à mes droits fondamentaux, dit-il. Pour les services publics, eh bien, la raison de leur refus est simple. Son nom d'usage n'est pas admissible et en conséquence, il n'a pas le droit de voyager à l'étranger. Résultat, pas de coup de tampon encreur à la douane pour le roi du tatouage. Lui, ben, c'est un comble, il n'en revient pas. Allez le voir, moi, c'est quand je le regarde, je n'en reviens pas. Et le titre, c'était drôle, c'est même les souverains ont des soucis administratifs. C'est le cas de Matthew Whelan, 34 ans, autoproclamé, roi du pays de l'encre et empereur du body art, encreur de l'extrême. C'était son nom qu'il voulait, ça. Bravo. Sur ce, eh bien, on va aller en musique avec un nouveau Mauricien. En tout cas, la dernière fois que j'avais parlé avec, il restait ici, l'autre côté, à Saint-Laurent-de-Bar, là. Pas Nicolet, Saint-Grégoire, c'est ce que je cherchais. Me semble que c'était là. Et puis, c'est Pépé et sa guitare, oui. Donc, on va aller voir ça. La pièce que je vais vous proposer, c'est « Ça pue ». Le titre est déjà très drôle. La petite pochette est où? Bon, attends un peu. OK, ici. Je trouvais ça le fun, ce qu'il disait. Il dit dans ses remerciements, il dit « Merci à mon amour, DJ Côté. OK. À Serge Robert, qui est, d'après moi, c'est, me semble, pas d'après moi, c'est mon oncle Serge. Maurice William, c'est pas. Et Bob Bissonnette. Lui, on le connaît, pour m'avoir aidé, écouté et soutenu, et surtout encouragé dans mon retour aux sources. Ça va faire le niaisage, enfin un vrai album de Pépé et sa guitare. Tout à fait, parce que Pépé, depuis les 2-3 derniers albums, il s'était un peu éparpillé, oui. C'est ça, on va aller écouter la pièce « Ça pue », et on va aller se faire l'idée. Est-ce que c'est du vrai bon vieux Pépé et sa guitare, comme on l'a connu à l'époque, avec « Fait quelque chose », puis avec... tous ces efforts, toutes ces tunes-là, c'était bien le fun. Donc, on y va avec Philippe Proulx, avec Pépé et sa guitare, qui est le même, avec la pièce « Ça pue ». OK. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents, t'as beau te passer la soie, c'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Tu prends de la place, personne t'écoute, même quand tu parles trop fort. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi j'fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. We'll be right back. commentaires méchants. Ton potinage, pour moi, c'est du vent. Un vent mauvais. Tu coupes tout le monde, tu cries pour rien, y a juste toi qu'on entend. En autant que personne parle de toi, tu penses qu'on est content, mais ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. La prochaine fois, t'as le goût de parler. Téléphone-toi. Réponds-toi, écoute-toi, raccroche-toi pas. Trouve ce qui pue. Dis-moi quand t'es rendu. Mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, fais quelque chose. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, je m'excuse, mais tu sais pas de quoi tu parles. C'est pas de quoi tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, fais quelque chose, parce que ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Voici ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est ma toune! Ah! C'est ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique où on se procure des affaires sur Internet. On ouvre les coffres, file une drap tête de tigre, fait tomber Boyard, qu'on puisse s'acheter un paquet d'affaires. T'as commencé? T'as peint? Pas de blague. Donc, on commence avec un petit scooter, ben belle fun. Je trouve que c'est comme un hybride entre un scooter et des rollerblades. Des patins à roulis roulants. Des patins à roulis roulants. Ben, je sais pas, je trouve que si t'es pour appeler un skate un roulis roulant, les patins à roulis, ça devrait être des patins à roulis roulants. C'est comme des mini roulis roulants qui en dessous. Genre. Ben non. Arrête ça. Ça coûte 610$. C'est le AEYO. A-E-Y-O. Et donc, c'est ça. C'est une machine, si on veut, à exercice. Et aussi un appareil pour se transporter, se bouger sur la rue. Et ça combine donc un rollerblade parce que les rollerblades sont attachés après tes pieds. Et t'as des espèces de barreaux, si on veut, mais avec une. Comment dire? Pas une penture dans le milieu, mais tu sais, l'équivalent d'une penture. Et quand tu fais aller tes pieds, ça fait bouger ces morceaux-là, ces tuyaux-là. Et un guidon, un peu comme un scooter, avec une barre verticale et une grande roue en avant et une petite roue qui l'accompagne pour que tu puisses tenir ton guidon tout en faisant le mouvement d'un patin à roulis roulant. Ça ressemble quand même un peu à un elliptique, quasiment. Là. Oui, exactement la ça. La petite poignée, puis... Mais je te dirais que c'est comme... Moi, je dirais, ben ça, c'est vraiment laid. Ah, oh, come on! On dirait un robot. On dirait que t'es dans le futur, man. C'est vraiment laid. Pour 100$, vivre dans le futur, c'est peu cher à payer. Mais ça a l'air de vraiment bien se contrôler, par exemple. Je sais pas si c'est le gars qui torche solide, mais ça a l'air quand même... Je l'essayerai. Oui, moi aussi. Moi, je l'essayerai. Je sais qu'en rollerblade, comment je dirais bien ça, je me pète souvent à la gueule. Tu peux pas vraiment te planter avec ça parce que t'as les rollerblades dans tes pieds et t'as en plus deux roues en avant de ton affaire. Donc. Une grosse puis une petite. Comme les premiers vélos, là, avec la grosse roue, mais en miniature. Mais comment ça que c'est pas encore revenu à la mode, ces vélos-là, avec une grosse roue? Ben, parce que tout le monde se tuait avec ça. C'est quoi, ce délire? Mais La vie est aussi importante. Donc. Oui! Ensuite, on y va avec... on reste dans le domaine des patins à roues alignées. Des patins à roulis roulants, exactement. Donc, c'est des patins qu'on attache à ses souliers. Tu sais comment c'est difficile quand t'es une personne sans voiture, mettons, mais que tu transportes avec des patins. Ce qui n'est pas mon cas, en passant. Juste le premier, pas le deuxième. C'est difficile de changer, de mettre tes souliers quand t'arrives à un endroit, puis ensuite remettre tes patins. T'sais, si tu pouvais avoir des patins qui se collaient ou s'attachaient à tes souliers, ce serait encore plus le fun. Donc, la compagnie Cardiff Skates, mais en fait, les Cardiff Skates, le Cardiff, c'est la compagnie, j'imagine, résout ce problème-là. Donc, vraiment, c'est vraiment des roues que tu attaches avec des clips à tes bottes, un peu comme t'attacherais à des bottes de ski, t'sais. À un ski, genre. Genre. Je cherchais vraiment où ça se connectait. Je sais qu'à un peu, ça se connectait à premier bas, non? Donc, ça s'ajuste à différentes grandeurs. Les straps sont vraiment faciles à installer. Chaque patin, bref, est assez large pour être parfait pour les débutants. Donc, tu te planteras pas avec ces patins-là. Ouais, c'est ça. C'est pas des roues alignées, là. C'est un peu comme trois roues. Comme un vélodrome, là. C'est comment t'appelles ça, les affaires de patins à roulettes, là? Non, mais c'est pas ça. Non. Là, il y a quatre roues, mais il y a quatre roues. Il y en a trois en arrière. Puis une en avant. Genre. C'est ça. C'est exactement ça. Fait que ça n'a pas de rapport avec les... C'est pas une roue à chaque coin. Il y en a trois en arrière. C'est pas pareil. T'as raison, mais tu pourrais quand même t'en servir dans un vélodrome. Parce que les autres, tu peux pas? Les patins à roues alignées? Je sais pas. Tu peux-tu? Je sais pas. Il y a comme des petites les côtés. Puis là, tu vas te planter. Juste deux roues. En tout cas, je sais pas. Ben, je sais pas, gars. Je me plante comme tout le temps. Fait J'ai pas besoin d'une côte. Mais je trouve que c'est intelligent. Ouais, c'est fort. Cardiff Skate Company, c'est le nom de la compagnie, j'ai confirmé ça. 160$ américains, c'est sur leur site web que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Mais ça, c'est cool, c'est pas plus cher qu'une paire de patins traditionnels. Exactement, ça donne vraiment envie, je trouve. Il reste juste à savoir si ça s'agrippe vraiment assez fort à tes souliers pour que ce soit stable. Exact. Exact. Mais j'adore l'idée. Ensuite, si tu fais de la plongée sous-marine, Stéphanie, ça doit être difficile à un moment donné, tu sais, avec un comment t'appelles ça, le truc que tu te mets dans la bouche. Un tuba. Un tuba. Il faut que tu respires par la bouche. Ouais. Ce qui est difficile pour moi. Tu veux respirer par le nez. Dans loin. Donc, il te faut le Easy Breath Snorkeling Mask, qui est un masque de plongée qui te fait respirer par le nez. C'est pour les gens qui ont passé de coordination pour respirer à travers leur bouche, comme les gens normaux. Donc, vous pouvez aller voir la petite vidéo pour voir comment ça fonctionne, mais vraiment, c'est pour plonger, pas sous-marine, mais tu sais, comme juste en dessous du niveau de l'eau. Mais moi, déjà, j'ai tellement peur d'aller un peu trop creux puis qu'il rentre de l'eau dans mon tuba. J'ai tellement peur, là. J'ai peur de l'eau, en fait. Moi, j'ai peur de tout, c'est pour ça que je fais rien, tu sais. C'est ça l'affaire, mais bon. Une affaire de moins à avoir peur, peut-être, si vous êtes capable de vous contrôler et de pas trop descendre et respirer par votre nez. Mais ça doit être quand même encombrant. C'est quand même gros, là, dans le visage, là. T'as presque les yeux couverts par le masque. Je suis pas sûre que c'est confortable. Ben, d'après moi, ça nuit beaucoup à la vision, mais ils en font en rose, ce qui est quand même cool. J'avais pas vu. Ben, tiens, tu vas pouvoir l'acheter, il est rose. Avec les palmes roses, c'est cool. Hey, le kit, toi, le kit. Ensuite, une montre maintenant. Tiens, une montre. Tu attends pas. Vas-y. Il y a un système pour empêcher l'eau d'entrer dans le tuba si tu vas trop creux. Je tiens à le dire parce que c'est ça qui me fait peur. C'est ça. OK, cool. OK, je veux faire de la plongée maintenant. Buy it now. je n'ai commandé trois. Ah, sans faire exprès, ben tiens, il y en a un pour moi. Ouais. Non, t'es pas invité. Une montre, on l'a dit combien de fois, une montre. Mais pour les jeunes, c'est quoi? Une montre, comme une salle de montre. Mais pour les gens qui sont lents un peu, tu ne devinerais jamais dans cette montre-là qu'on voit sur assemblagerequis.com qu'il y aurait à l'intérieur un mouvement vraiment d'aiguille, vraiment super sophistiqué, suisse, etc. Ça s'appelle la Slow Joe Watch, d'accord? C'est nommé en référence au fait qu'elle est vraiment lente. C'est une horloge qui vous donne les 24 heures au complet avec une seule aiguille. Une vue linéaire de chaque journée, 100 minutes, 100 secondes pour ajouter du stress à votre journée déjà assez compliquée comme ça. Chaque montre est construite avec un truc stainless steel. La carcasse de la montre est faite avec ça. Et puis, il n'y a pas de logo dessus. Le logo est à l'arrière de la montre, donc vous n'allez pas faire de pub pour personne. Il y a des options pour plein de couleurs de slow watches sur Amazon pour 240$ et plus. Donc, c'est vraiment, tu vois, les heures de 1 à 24 et une seule aiguille qui va très, très, très lentement. Ce qui est perturbant, c'est que ben le 12 est encore en haut, mais le 1 est en bas. Ça fait vraiment bizarre. Parce que c'est le système 24 heures, exactement. C'est ça, ça fait vraiment bizarre. Mais je trouve ça quand même beau, c'est épuré. Puis je trouve que ça ressemble au chronomètre gigantesque dans les piscines. Là. Oui, que je comprends jamais comment ça fonctionne. On est rendu où dans la journée? Et quelle heure? Est-ce toujours la nuit? Mais tant qu'à faire une montre avec seulement les heures, il pourrait y aller vraiment avec plusieurs modèles. Par exemple, le modèle sur une semaine, le modèle sur un mois, sur une année. Elle achète un agenda, man. Tant qu'à ça. Ensuite, le fudge, Stéphanie, le fudge. Ah, oh, pourquoi tu me parles de fudge? Parce que c'est comme ça que je fais ça, c'est de la torture d'animateur. Donc, le meilleur fudge que t'as jamais mangé, pensez un petit peu, le goutte-le dans ta bouche, le virtuellement. Imagine-le. filet de balle. Donc, imagine-le maintenant, magiquement, tout ça, par magie, transformé en breuvage chaud. Ah oui, le drinking fudge existe maintenant. Oh. C'est du fudge liquide, donc crémeux. Ça provient d'un sachet, tu mets ça dans une tasse et tu mélanges avec du lait. Tu mets ça au micro-ondes pendant 30 secondes et tu brousses. Chaque paquet vient avec plusieurs saveurs. T'as menthe, orange, caramel crémeux et gingembre. T'as chocolat classique et aussi mocha chaka madness. Wow! Débile. Wow! C'est fantastique. Je veux vraiment essayer le caramel crémeux. Non, moi, c'est le mocha chaka madness. Caramel crémeux. Oh, miam! En tout cas, bref, vous savez que ça existe, c'est Drinking Fudge. Je sais ce qu'on fait. OK? On prend un sachet de chaque, on met ça dans un blender. Comme la slush! Puis on goûte à toutes les saveurs en même temps. Ah, ce serait tellement le fun. Puis on s'en met partout dans la face. Puis là, ça va trop loin dans mes fantasmes. Moi, c'est ça. Attends un peu, là, tu vas loin. Hop Couture, maintenant, c'est un T-shirt pour ceux qui ont tendance à avoir une mauvaise posture. Vous voyez, là, en ce moment, à la radio, pour ceux qui ont la version HD vidéo de la radio, vous voyez, j'ai une bonne posture parce que je me tiens après la table. T'sais. Puis moi, je suis vraiment effoirée dans mon siège avec le micro quasiment à terre. Mais c'est ton rôle, le co-animatrice, d'être effoirée à table? Moi, oui. En tant que tu parles. C'est ce que je demande. Ça, puis le canevas. Bref, avoir une référence, c'est une scène. Ceux qui ont une mauvaise posture, c'est une mauvaise habitude. Vous savez, ça peut être nocif pour vous. Ça peut vraiment vous amener à avoir des problèmes de dos. Pour vous aider, c'est Hop Couture, la compagnie, avec leur Hop Shirt. Ça a l'air d'être des t-shirts complètement normaux. Il y a aussi des chandails à manches longues. Mais ça encourage une bonne posture. Donc, à la place de vous forcer à prendre une bonne position en ayant comme un corset, vous savez, il y a des gens qui portent des corsets pour avoir une bonne position. Et ça te donne un choc électrique à chaque fois que tu es croche. Si seulement, non. Le Hop vous incite à avoir une bonne posture en plaçant des élastiques qui sont cousus à l'intérieur du chandail à la bonne position. Tout ça est vraiment dans le tissu. Et ça fait que le chandail est plus confortable à porter quand tu as une bonne posture. Parce que les élastiques arrivent à la bonne place pour que tu te tiennes droit. Si tu t'es vache, des élastiques sont pas à bonne place, tu te sens inconfortable. C'est un peu le principe de quelqu'un qui se ronge les ongles. Tu mets du vernis qui goûte pas bon. Là. Exactement. Trempe-toi pas les doigts dans le fudge à boire. Genre. Ah, c'est seulement. Ah. Donc, c'est Hop Couture, la compagnie. Ça coûte 175$ environ. Penses-tu qu'on a le temps de s'en commander pour ma chronique de bouffe de demain? Du fudge à boire? Ouais. Oh, ça serait débile, hein? Hey, si on pouvait débloquer un budget pour cette chronique-là, hein? Parce que ça doit coûter cher. Je ne suis pas allé voir pour le Drinking Fudge là, parce que je ne veux pas me créer de besoin puis payer, appuyer sur le bouton puis faire le paiement automatique par Visa avec ma carte déjà rentrée. On va regarder ça tantôt. OK, on s'en reparle. Si tu as des plantes à la maison... Non, moi, ils meurent. Moi, j'ai des plantes à la maison. Moi-même! Mathieu Plante, on a... Non? Donc, est-ce que ta blonde t'arrose? Non, c'est moi qui m'arrose tout seul. Hein, ça a l'air drôlement sexuel, mais ça en l'aide vraiment. Donc, c'est des pots de plantes à transporter. Hein, des fois, ça peut arriver. Et c'est difficile de déménager ça. C'est très, très lourd avec la tête à la tête. La terre à l'intérieur. Si vous avez des têtes dans votre pot de fleurs là, ou de plantes, il y a un problème. Bref, c'est ça. Vous pouvez aussi, évidemment, transplanter les plantes dans d'autres pots qui sont moins lourds. Puis après ça, transporter le pot vide à l'autre place. Puis le retransplanter. Ça commence à être compliqué. Il te faut le pot lifter. Poplifter, c'est c'est un instrument, en fait, qui ressemble un peu, on dirait des élastiques, mais je pense que c'est plus des cordes. Et t'as au milieu une corde tressée, et de chaque côté, des cordes qui se prennent par les mains, et ça fait que c'est beaucoup plus facile à transporter. Je dirais plus des sangles que des cordes. Tu vois, j'aurais pas trouvé le mot sans toi, pour sangle. Mais est-ce que t'es d'accord avec le mot? Je suis d'accord avec le mot, j'approuve. Puis c'est pas juste pour lifter des potes, là. Lifter des potes? Il lève une grosse roche aussi. A big rock? Une grosse roche. Yeah. Tu sais que c'est une ville au Bas-Saint-Laurent, grosse roche. Ah, sans blague. Sans blague. Il y a aussi... Mais dis-moi plus. Il y a aussi un gros groupe de musique, là. Roche. Big rush. Tu peux transporter les 5-6 membres. Je sais pas combien il y a de membres dans roche, puis je m'en sac vraiment fort. Mais tu peux les transporter avec ça. C'est super le... OK. On arrête avec cette blague-là. C'est passé. Le moment est passé. C'était bon. On l'a vécu ensemble. Bravo. Donc voilà. Allez voir les photos sur assemblagehockey.com et allez les voir transporter une grosse roche. C'est ridicule. Ou un groupe de musique. ça peut prendre jusqu'à 200 livres. 30$ sur Amazon. Ah. Ensuite. C'est pratique là, pour les gens qui ont des affaires de même. C'est pas des plantes, c'est bien trop d'ouvrages. Robert Plant, le gars dans un autre groupe de rock. Pourquoi je parle de rock soudainement? On n'est pas. On n'est pas amateur. T'as-tu une commandite de rock classique? Tu me l'as pas dit, tu essaies d'insérer ça subtilement. Les rock classiques et dorénavant présentés par Assemblage Rocky. C'est super. la promotion croisée, c'est comme à TVA, tu sais. Ou genre le séjour présente une émission à TVA, tu sais. Bref. Ben, plus, ouais, Vidéotron qui présente beaucoup de trucs. Tu sais, c'est comme se présenter soi-même, tu sais. On avait, inside, mais il y a quelques années, on avait fait un petit bumper, un petit message, genre de, qui vante les pièces pour les palmarès C'est fou. Et c'était que les palmarès C'est fou étaient présentés par Assemblage Rocky. Ça, je me rappelle qu'on l'a fait. Ah ouais? Oh boy. Bref, c'était ben drôle dans le temps. Maintenant, tiens, parlons de quelque chose d'un petit peu plus déprimant. Ceux qui sont complètement paralysés de la tête aux pieds. Ça existe, ça arrive, c'est vraiment dommage. Et ça fait que regarder la télé est presque impossible. Mais avec Winky Mote, qui est un projet de Katia Vega, c'est genre un maquillage qui intègre des circuits qui permet à au moins une personne quadriplégique de contrôler sa télévision. Donc, tu places ça proche de l'œil, le circuit qui est quand même assez subtil. Tu couvres ça de maquillage. Donc, c'est Philippe, un gars de 33 ans, un étudiant à la maîtrise en administration, qui était paralysé il y a 13 ans dans un accident de jiu-jitsu, les arts martiaux, dangereux. Oh, quand même! Ouais. Donc, il a réussi à allumer et à éteindre la télé et même changer de chaîne simplement en combinant différentes commandes de clignement des yeux. Je sais pas, c'est un petit peu comme sur le iPod, là, deux clics à gauche, puis... Moi, je les apprends tout le temps, je pense. Je ferais pas exprès. Là. J'imagine qu'il doit falloir que tu retiennes ton clignement à un certain moment et le clignement naturel doit pas causer de changement de canal. J'imagine, mais en tout cas, je trouve ça le fun. C'est une belle avancée, ça. Oui, pour vrai, pour pouvoir au moins faire quelque chose de divertissant dans ta vie. Bref, pour les gens qui sont paralysés complètement, on n'a pas encore d'informations sur la disponibilité ou s'il y a d'autres patients qui ont utilisé ça, mais si vous allez voir la photo sur assemblagerequis.com, c'est quand même assez subtil. T'as juste l'air d'avoir une longue lignée de larmes sur le bord de ton œil, genre. On dirait que t'as pleuré, mais à l'horizontale. Je sais pas, t'as juste l'air un peu dans un film de science-fiction, puis je trouve ça cool. C'est ça, enfin, un avantage à être complètement paralysé. non, c'est ouais. Ça. Ouais. Maintenant, ceux qui sont amateurs de vieilles photographies rétro, vous savez, les gens utilisent Instagram pour faire des fausses vieilles photos, alors qu'ils pourraient juste utiliser un vieil appareil photo. Mais bon, les gens sont comme ça. Maintenant, vous allez pouvoir trancher votre fromage à la rétro. Ça n'a rien à voir avec la photo. Là. C'est juste un truc pour trancher votre fromage, mais en forme d'appareil photo Polaroid. C'est le Polaroid Cheese Slicer. C'est pas magnifique, ça. Donc, vous préparez un grand bloc, un gros bloc de fromage qu'on pourrait sûrement transplanter avec le pot lifter de tantôt. C'est une référence. C'est ça. Callback. Okay. Le bloc est pas si gros que ça. Non, c'est ça, quand même. Mais tu pourrais prendre un très, très gros bloc de fromage et l'insérer par morceaux dans le cheese slicer Polaroid. Et voilà, ça va être parfait pour faire des sandwichs, des hamburgers. Et après ça, vous allez pouvoir utiliser même un vrai couteau pour recouper ça en plus petites portions. Ça coûte de l'argent. Et c'est disponible. Non, c'est ça. Ça coûte 10$, voilà. Ça doit pas être lavable, cette cochonnerie-là. Vraiment, c'est drôle. C'est beau. Je sais pas si je m'en servirais, mais c'est beau. Alors, c'est beau, mais c'est sûr que je m'en sers pas. Je me demande si tu peux couper d'autres choses que du fromage, mettons. Ben, sûrement, parce que du fromage, c'est quand même assez rigide. Oui. Fait que tu peux sûrement trancher du tofu. Oui. Des belles petites tranches de tofu. C'est vrai. À part ça. Ta main, si tu fais pas attention. Ben, je pense pas. Je veux dire, de la façon que c'est arrangé, il faut vraiment que tu sois dans la lune pour être rentré à la main jusqu'au fond. Ne me sous-estime pas. C'est vrai, t'es genre à pas mettre de tasse quand tu te fais un café. Ah non, tu l'as dit! C'est vrai. Ensuite, tiens, toi, t'es du genre... alcoolique? À sortir à l'extérieur. Oui. C'est ça, quand on parle de Stéphanie Paradis, il y a plusieurs suppositions. T'as soit alcoolique, soit que tu vas dehors... Et sinon, ben c'est non, que tu mais, vas me dire non, quoi non, faire. Mais ça, aller dehors, c'est comme n'importe quel autre être humain, là, excluant toi. C'est ça. Parce que t'es pas vraiment un être humain. Ça, tu ne l'as jamais dit, mais t'es autre chose, là. Un androïde. Ben, plus un iOS là, qu'un androïde. C'est une blague de geek. Oui, je l'ai... Pas une bonne blague de geek. Non, non, c'est ça, je la comprends, mais juste moyen. C'est ça. Bref, si tu vas à l'extérieur, t'as besoin de raquettes, hein? Raquettes? Oui. Oui, donc, mais t'as pas tout le temps tes raquettes avec toi. Et c'est dommage de devoir les transporter dans ton sac parce que ça prend de la place. Tu sais jamais quand tu vas avoir besoin d'une paire de semi-raquettes ou de souliers pour la neige dans la seconde près. T'en as besoin là. Il te faut les Smallfoot Snowshoes où tu peux voyager avec des souliers de neige gonflables dans ton sac. Donc, c'est ça, ça se dégonfle. Ça devient deux petits sacs comme ça que tu mets dans ton sac à dos. Ça va super bien. C'est gonflable, donc c'est léger. Ça vous donne beaucoup plus de surface que n'importe quel soulier de neige normal. Donc, vous allez pouvoir marcher comme si vous étiez sur un genre de canot ou de raft. C'est cool, hein? Je me pèterais la gueule. Ben, ça, c'est sûr, mais ça, pas comme encore. À chaque item que tu me montres, c'est sûr que je me pète la gueule, peu importe c'est quoi. Oui, c'est sûr qu'il faut bouger, hein? Toi, c'est... Non, tu peux rester assis manger ton ou boire ton fudge. C'est ça, mais moi je suis sûr je me pète la gueule dans le fudge. Non. Puis là je vais en avoir partout dans la face. Là tu vas faire exprès là. Ah! Ah! Puis là tu tombes dans le fudge. Puis là je me bouillante. Hey, parlant des bouillantés, je me suis tellement trouvé conne hier. Ah! T'sais... Dis-moi en plus, je veux te trouver quand je veux te trouver quand. Tu sais, quand j'ai sorti une tôle du four avec des patates là, que je m'étais faite. Puis là, ben, tu sais, je prends les patates, là, j'y mets dans les assiettes. Puis là, j'étais comme pressée, puis je prends la tôle, puis je la lâche à terre parce que j'ai oublié de me mettre des mitaines de four, puis je me suis brûlé les mains parce que j'ai pris la tôle qui sortait du four avec mes mains. Comme une grosse conne. Hey, félicitations. J'en ai mis partout. Je m'attendais à rien de moins de ta part. Mais je me brûle tout le temps. Ah, tu vas te faire de la corne, tu vas avoir des mains, puis... Ben en fait, je suis en train de me dire que bientôt, j'aurai plus d'empreintes digitales sur les doigts, puis je vais pouvoir commettre des meurtres. Oui! Mais il va te rester la langue. Fais attention pour mettre ta langue sur un poteau parce qu'on a appris qu'il y a des empreintes longitudinales. Longitudinales. J'essaie d'inventer un mot. OK. Je m'en souviens pas c'est quoi. Je le cherchais. En tout cas, j'ai juste à pas parler en faisant mon crime. Le son je sais pas si je vais être capable. Parce que je sais pas. Mais c'est pour ça qu'on t'aime à la radio, tu sais. T'arrêtes pas de parler, ça. Blablabla. Ensuite... Fait que là, après ça... Tantôt, on a dit que si on parle de Stéphanie Paradis, on parlait de personne qui dit tout le temps à tout le monde quoi faire parce qu'elle est une directrice en chef. On a appris que t'étais alcoolique aussi. Ouais. T'es sortie dehors et t'étais alcoolique. Non. Ça, t'as décidé que j'étais alcoolique. Tu m'as dit plein de fois que t'étais alcoolique parce que t'es gaspésienne. Non. C'est ça. Je suis pas alcoolique. Je suis gaspésienne. Il y a une nuance. Ah! C'est juste quelques millilitres de moins à l'heure. De plus, tu veux dire? De plus. Ah, que la moyenne, je parlais que d'un soulon. Non, ça dépend... c'est ça, de plus qu'un soulon. Ah, c'est pire, donc t'es soulon. Bref, je comprends plus rien. Moi, ce que je retiens, c'est que t'aimes l'alcool et que tu fais des fois, j'imagine, peut-être du vélo. Non. Non, mais mettons que t'en faisais. Non. Fais comme si t'aimerais ça transporter ton alcool avec toi. Ah oui, ça, j'aimerais tellement faire du vélo, Mathieu. Je peux avoir deux petits trous en arrière, s'il te plaît. Oui. Ça va m'aider si justement, si je bois. Deux petits trous et une bouteille de rhum, probablement. Tu sais, du rhum, des roues et de la bière, nom de Dieu, comme on dit. Donc, il te faut Ahern et son produit Mud Flask Seat Mounted Holder, ou le MFSMH, qui est une cage de stainless steel, d'acier inoxydable, tubulaire. Tubular, dude! Comme dit les années 80. Bref, que tu mets en dessous de ton siège de vélo et tu peux insérer à l'intérieur n'importe quel flasque, donc contenant d'alcool de 6 à 8 onces. Ça peut venir avec la flasque pour 60$, sinon 100 pour 35. C'est chez Ahern Cycles. Je sais pas. Sur la route, ça a l'air un peu comme... Je dirais quel serait le mot illégal. Mais c'est parce que c'est à la vue, puis c'est pas nécessairement facile d'accès. Moi, je pense que j'ai un autre truc. Tu sais, dans les magasins comme où ils vendent des affaires de plein air, là, oui. Tu vas t'acheter les petits camelbacks, là. C'est une gourde avec la paille qui sort. Donc, quand tu vas faire de la randonnée, tu peux boire de l'eau, mais là, à vélo. Tu mets ton petit camelback dans ton sac à dos, mais tu mets du rhum. Aïe. Là, t'as ta paille, mais tout le monde pense que tu bois de l'eau. Puis là, mais tu conduis zigzag, puis tu fonces sur tout le monde. Ça va être génial. C'est comme un Grand Theft Auto humain. Génial. T'es vraiment fantastique. Ensuite, tiens, parlant de fantastique, tu vas voir que je dis le mot fantastique pour n'importe quoi. Stéphanie est aussi une paire de gants. Non, c'est des gants qui sont... Hey, c'est pas le même calibre. Pas du tout. Donc, tu sais, les gants tactiles qu'il y a dans tous les magasins, qui sont tous plus poches les uns que les autres, ou encore vraiment, vraiment pas faits pour l'hiver québécois. Est-ce que tu te sers encore de tes gants? Non. Tu les as mis une fois? Ouais, deux. Deux? Oh, deux quand même. Quand. Tu rentabilises ton 75$. C'est genre 40$. Mais j'avais acheté ça dans un magasin électronique connu du futur. Et Colin, c'est vraiment pas fait pour les hivers québécois. C'était la marque Griffin. Et pour vrai, c'était un petit gant de fin de printemps, début automne, je te dirais. Ah. Tu sais? Donc, n'achetez évidemment pas ces gants. Fin de printemps, début automne, ça, c'est l'été. Ben, c'est pas mal l'été, c'est ce que j'allais dire. C'est un gant pour vraiment température très, très clémente. Donc, ici, c'est des gants qui ont le tactile, mais partout sur le gant. C'est de la laine conductrice qui vous permet d'utiliser votre écran tactile d'absolument n'importe quel doigt. Vous pourriez même utiliser votre paume Si vous voulez vraiment jouer à des jeux pour épais, là, genre... ou si vous avez... je tape sur mon iPhone! Si vous avez genre un téléphone Windows Phone, le mieux de mon moignon, là, tu sais, bon. Bref, tu peux faire ça avec ton Windows Phone 8, si tu veux. Avec les tuiles de marde. Bref, je vais parler mieux à la radio. Quand t'attends l'autobus, évidemment, t'attends l'autobus dans un blizzard. J'attends l'autobus! Avec mon Windows Phone 8! Donc, tu dois sortir ton téléphone à l'arrêt d'autobus. Il te faut les glider gloves. Contrairement à d'autres gars sur le marché qui ont juste les embouts conducteurs, il y en a même qui ont juste une genre de punaise au fond, au bout de ton doigt, que c'est vraiment juste le bouton de ton doigt qui pèse. Ça, pour vrai, j'aime vraiment pas ça. Ici, c'est les 10 doigts, n'importe quoi, 20$. À partir de 20$, n'importe quelle grandeur et couleur, il y en a plusieurs. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Reste à savoir si c'est assez chaud encore ici. J'ai vraiment des doutes. Pour vrai, c'est souvent des produits américains. Ils sont pas capables de comprendre. Eux autres, de toute façon, si on regarde dans les films, même s'il neige tout le temps, ils sortent en petite veste avec un foulard. À peine attaché, le foulard. C'est ça, ouais. Mais moi, ce que je ferais peut-être, j'oserais peut-être utiliser une paire de gants d'une certaine grandeur pour mes mains et ensuite une grandeur de la coche du dessus pour peut-être mettre par-dessus, avoir deux couvertures de... Ça marcherait, ça, sûrement. On va peut-être essayer. Parce que c'est pas fou. Si la laine est conductrice, ça doit dire qu'elle doit être conductrice à travers l'autre laine. En tout cas, bref. Oui, je pense que oui. Je sais pas. Je sais pas. Mais bref, je pense que c'est la laine. Je connais vraiment pas le truc de tactile. Je suis pas un professionnel scientifique. Là, du bref. Tact. Du tact, c'est ça. J'ai pas de tact pendant tout. Mais je crois que c'est la laine elle-même qui conduit le courant et non pas ton doigt à travers le gant. Ouais. Donc ça devrait marcher, d'après moi. Bref, essayez-le, vous allez bien voir. On a parlé d'une montre tantôt qui nous montrait l'heure sur une durée de 24 heures. Donc, sur ta montre, tu voyais les 24 heures passer. On disait que ce serait parfait s'il y avait les semaines et les années pour vraiment varier. Je l'assume. Maintenant, une autre sorte de montre qui est encore plus spéciale. C'est une montre qui ne dit pas l'heure. Ah. C'est bizarre, hein? Donc, c'est les designers de chez Skricoggle. C'est ce qu'ils ont fait. Deux veut vous dire quelle heure il est sans vous dire quelle heure il est parce qu'il n'y a pas d'affichage dessus. Ça mesure la durée entre deux moments par une vibration. Donc, à chaque 5 minutes, la montre vibre. Et les gens l'ont vraiment acheté. Ils s'en est vendu pour 120$ chaque, environ 90€. Ils ont réussi à écouler leur stock à partir de la première semaine où c'était sur le marché. C'est un cercle de polyamide fait à la main avec une simple petite bande de cuir pour l'attacher. 5 couleurs différentes. Il y a genre saumon fumé, là, puis ça, c'est un genre de rose. Il y a un seul petit bouton sur le côté qui allume et éteint la vibration. Donc, à la place de vous faire déconcentrer par une montre intelligente qui sont très à la mode en ce moment, par exemple la Pebble Watch, où tu peux voir recevoir tes messages textes, tes courriels sur ta montre, à la place, elle ne fait que te dire que le temps a passé. Par exemple, mettons, t'es à une conférence super plate, tu vas voir que chaque 6 heures qui viennent de passer dans ta tête, dans le fond, c'était juste 5 minutes. C'est pour t'aider à relativiser le temps. Pour te déprimer. C'est ça. Tout simplement. Ou de l'autre côté, peut-être que tu es en train de faire quelque chose de pas très productif. Peut-être que tu es en train de regarder Facebook, ta page et celle des autres. Et donc, ta montre va sonner à chaque 5 minutes pour te dire « Hey, t'es en train de perdre ton temps. » Oui, OK. Puis si tu travailles, ça fait juste te déconcentrer. Ou t'es peut-être motivé à avoir une tâche de plus. À chaque fois qu'il y a un buzz, tu vas avoir une tâche d'accompli de plus. Non, je virerais complètement folle. Moi aussi. C'est pour ça que j'achèterai jamais ça. Tu virerais complètement folle, hein? Je virerais complètement folle si c'est pas déjà fait. Donc, les créateurs sont Theo Tveras et Lars Veller. C'est simplement une expérience, évidemment. Comme je dis, ils ont tout vendu en dedans de 6 semaines, pas une semaine. Mais quand même, c'est populaire parce que les gens veulent essayer de voir quoi que ça a l'air. Ça me fait quand même penser, je sais pas si t'as vu l'épisode de La Petite Vie où Régent a une montre qui sonne et à chaque fois, il doit se gifler pour une expérience. C'est parfait. Ça me fait un peu penser à ça. Comment il s'appelait son personnage? Régent. À la place donc de Dur, ce serait de Régent. De Régent. C'est D-U-R-R, de Régent. Ah, mais je trouve l'idée vraiment intelligente et intéressante, mais l'application, peut-être pas la meilleure idée. Je sais pas, puis honnêtement, je la trouve laide. Ah, on dirait un bouchon d'une bouteille de jus attaché avec un ruban de Noël. Là, c'est vrai. Ou sinon un pug, mais plus épais, je trouvais. Ou une menthe géante. Bref, ça ressemble à bien des choses. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Maintenant, quand tu vas dans une grotte, Steph, t'es tout le temps rendu dans une grotte, on le sait. Party people, tout le temps rendu dans une grotte, puis à se saouler. Voyons donc, je suis tellement claustrophobe. Mais juste des pieds. Donc, faut que tes pieds soient à l'extérieur de la grotte en tout temps. Bref. Juste la tête. Quand tu portes une lampe sur ton front, OK? Et là, t'es en train de parler avec tes amis, en train de faire le rave, là, le party dans la cave, dans le gras. Tu les regardes et là, tu les aveugles avec ta lampe. Ben oui, c'est, oui, c'est ça arrive tout le temps. Et tu sais pas, quand tu regardes, ta lampe n'est pas tout le temps à bonne place. Autant que tu te déplaces ta lampe, ça n'a comme pas d'allure. Donc, c'est ça, ça va être fun, une lampe sur la tête. Mais la Moula Headlamp va vous aider. C'est par la compagnie Snow Peak. Et ça compense pour la différence entre le mouvement de la tête et les mouvements de tes yeux. Donc, ça dirige la lumière dans le sens d'où tes yeux regardent. Quand même bizarre, hein, ça utilise la gravité et un contrepoids. Donc, la lumière attachée à ta tête va suivre le mouvement de tes yeux si tu regardes par en haut ou par en bas, par exemple à gauche et à droite. Donc, si tu essaies de parler à quelqu'un et que tu ne veux pas l'illuminer, tu vas pouvoir, il y a un petit bouton sur le côté. Tu peux genre faire suivre soit tes yeux ou soit le mouvement naturel de ta tête. Donc, ah, tu peux changer ça comme tu veux. C'est un peu perturbant. C'est perturbant, mais il y a aussi un mode party pour quand tu fais un rave dans ta cave, dans ta grotte. Mais tu as aussi, ça c'est le mode qui clignote un petit peu comme une lumière d'urgence. Donc, tu peux t'en servir pour faire la fête. Stroboscope. Ou encore pour appeler à l'aide si tu es mal pris dans la grotte. Mais comment les secours font pour savoir si je fais un rave ou si je suis en danger? Tu vois, c'est ça. Il faudrait que tu réserves le party à l'avance. Comme okay, délimité que, comme ouais, zone party. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est ça, ça coûte 80. Est-ce que c'est 60$? Voilà. Chez REI. Ensuite, on va aller à la salle de bain maintenant. Hein? Oui. Et on vient après la pause, on se parle. On va à la salle de bain. Salut! Pour accrocher un rouleau de papier de toilette, mais de façon un petit peu plus industrielle. Tu sais, les beaux petits tuyaux qu'il y a dans la cave, mettons, ou sur le bord de la toilette, pour arrêter l'eau. Tu sais, la hausse dehors, il y a peut-être un petit... Oui, un petit robinet. Un robinet de métal. Oui. Genre. Donc, pourquoi ne pas s'accrocher votre rouleau de papier toilette sur ce genre de choses-là? C'est fait exactement comme un tuyau de métal avec le robinet et tout. Et sur le côté, un tuyau qui n'a pas de bout et tu peux insérer ton papier toilette dedans. Oh, c'est vraiment joli. J'aime ça. 28$ seulement. Ça fit absolument pas dans le style que j'ai chez nous. Faut que t'aies un style industriel. Hein? Mais je pense que ça fitterait vraiment bien dans le nouveau torréfacteur, le temps d'une pinte. Ah? Je sais pas, c'était allé jeter un coup d'œil. Moi, je suis allée voir en fin de semaine passée. Puis c'est vraiment un look industriel. Donc, t'as des lampes avec des chaînes autour. Ah. Puis les poignées pour les bières en fût, c'est vraiment des outils comme des vieux outils un peu vieillots. Donc, une pince, une vice grip, puis des trucs comme ça. Donc, c'est je pense bon, ben, que génial. Ça fitterait vraiment bien dans la salle de bain. On va leur envoyer ça via Facebook. Je trouve que c'est vraiment... Ça donnerait un petit look. Un petit charme. C'est le Industrial Steel Pipe TP Holder. Encore une fois, 28$ sur assemblagerequis.com. Il nous en reste quelques-uns. Je pense qu'on va les finir. Tant qu'il n'y a aucun chroniqueur aujourd'hui, on va faire une super longue chronique. Pourquoi pas? Allons-y avec un case pour iPhone, mais qu'on peut répondre au téléphone sans avoir à ouvrir le case. C'est un case avec une petite couverture, comme un cartable si on veut, et qui a un trou pour voir l'heure. Donc, un peu comme les vieux téléphones dans le temps. Quand tu appuies sur le bouton Power, l'heure apparaît sur l'iPhone et là, tu as un trou dans le case pour voir et tu peux évidemment draguer ton doigt dessus pour ouvrir et répondre au téléphone. J'aime ça! C'est vraiment bien fait. Donc, c'est ça, c'est fait de leatherette, donc de la cuirette, comme on dit. Donc, pas du vrai cuir, finalement. C'est pour un iPhone 5 ou 5S par la compagnie Moshi. C'est disponible pour 45$, disponible en titane brossé ou en noir acier, genre. Je le trouve quand même beau. Ouais. J'aime beaucoup le fini. C'est joli. Et en arrière, t'as le trou pour la pomme, évidemment, c'est immanquable. Ben oui. Et je veux voir leur pomme. Moi, je fais tout pour la cacher. Ensuite de ça, dans le film, tu te rappelles le film Lady and the Tramp, là, c'est celui avec les deux chiens qui s'embrassent avec un long spaghetti. Comment ça s'appelle en français? La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard. Tu te rappelles ce film-là pour la Saint-Valentin? C'est le film que tout le monde regarde en soirée. La Belle et le Clochard, l'histoire d'amour qui continue. Oui, oui. Donc, un petit dîner romantique. Vous voulez les imiter, La Belle et le Clochard? Le Lover's Meter Long Spaghetti est maintenant disponible. C'est une grosse, grosse, longue nouille qui vous permet... c'est vraiment un spaghetti super long qui mesure un mètre. Mais elle doit arriver déjà cuite, là, la nouille? Elle arrive pliée. Donc, pas cuite, mais molle. Comme les pâtes molles qu'on a chez l'épicerie. Pâtes fraîches. Pâtes fraîches, exactement. Donc, molles. Molles et fraîches. J'aime ça, molles et fraîches. Comme les dames. Donc, ça n'a pas rapport. Donc, c'est ça. J'aime mes nouilles comme j'aime mes dames. Oh oui. C'est ça. C'est bien drôle. C'est ça. Donc, tu fais cuire ça et puis tu manges ton mètre de spaghetti. Ça vient pas avec les boules de viande. C'est envoyé dans un carton, dans un tuyau, un tube de carton. Et donc, tu insères ça dans l'eau bouillante et ça reprend sa forme, sa grandeur. C'est super. Mais faut pas que tu le casses, hein, sinon ça gâche tout. Ah, voilà. Ah, ben ça, c'est à toi de bien faire ta job ou en commander plusieurs. Si tu veux faire un très, très gros bol de spaghetti, parce que, tu sais, un mètre, je sais pas si tu remplis ton assiette avec ça. Moi, j'en ai aucune idée. J'ai jamais mesuré mes spaghettis. J'ai des grandes portions de spaghettis, moi. J'en fais tout le temps trop, en fait. Ensuite, si vous avez est-ce que tu as encore un cadran à la maison? Non. Non, t'as juste ton téléphone pour ça. J'ai juste mon téléphone. Ah, les gens sont rendus comme ça, ils ont plus d'alarme. Moi, pour vrai, avant de lire cet article-là, j'avais comme jamais réalisé que les gens avaient plus de cadran. Nous, on a encore deux cadrans à la maison, puis je pense qu'on va toujours avoir deux cadrans parce que le cadran, tu sais qu'il va fonctionner. Contrairement à ton téléphone qui va peut-être manquer de batterie, peut-être si tu oublies de le charger, ce qui est mon cas fréquemment. Ben, moi, je regarde avant de me coucher, puis j'ai mon fil qui est attaché à ma tête de lit. Donc, quand je me couche, je peux le plugger. Donc, j'ai mon fil de iPod et mon fil de cellulaire. Et c'est un truc qu'elle t'avait donné, je me souviens pas dans quelle chronique, probablement dans les instructions d'assemblage. Et c'était de mettre ton fil de cellulaire dans les pinces à papier. Donc, j'ai glissé mon fil à l'intérieur et la pince est attachée à ma tête de lit. Ça va très bien. Donc, c'est vraiment à côté. Donc, je peux pas... ça sonne pas, ben c'est de ma faute parce que j'ai le fil déjà là. Et voilà. Et voilà. Sinon, un petit dock pour téléphone cellulaire, c'est toujours bien pratique aussi. Oui, non, mais c'est parce que j'ai un cellulaire de Bouette. De Bouette, de marque Bouette. Donc, bref, apparemment que les alarmes sont mortes. C'est ce que j'entends dire. Je le croirai quand je le verrai. Mais la compagnie ArrayAware nous offre le Alarm Dock, qui est un gros bloc de bois. OK? Et à l'intérieur, il y a un compartiment pour mettre ton fil de recharge, ton fil de chargeur pour le iPhone, mettons. Et insérer ton iPhone dans le bois sur le côté. Tu branches ça un peu comme un dock. Tu pars l'application d'alarme qui vient avec ou encore une des millions d'autres applications d'alarme qui existent sur l'App Store pour recréer le look d'un cadran, l'impression d'avoir un cadran et le snooze que tu peux appuyer sur l'application tout en étant juste ton téléphone. Il est vraiment hot. Oui, vraiment, c'est seulement, et vraiment, moi, je suis impressionné par le prix pour du bois, c'est seulement 38$. Hein? C'est pas cher. Ah, ouais? Et en tout cas, je sais pas si en haut, il y a des fentes, là, c'est supposé avoir l'air de haut-parleur, mais c'est évidemment pas un haut-parleur, là, ce que je sache. Là. En tout cas, c'est parfait, c'est vraiment parfait. C'est cool. J'aime ça. Bref, et on termine avec un dernier, je voulais terminer sur les gens qui se lavent pas. Hein, on a dit tantôt que ça puait. C'est Pépé Saguitar qui chantait « Ça pue ». Oui, « Ça pue ». Ça pue. Tu parles. Merci. C'est sûrement peut-être aussi à cause de mes pantaloons. Oh, t'es lave pas. Ben, j'ai porte tout le temps pendant 3 semaines de suite. C'est faux en passant, mais pour le sketch ici, c'est tout à fait vrai. Non, c'est trop paresseux pour te changer. La compagnie Naked and Famous a une collection de jeans Scratch and Sniff. Chaque paire a une couche de micro-capsule à la surface qui peut être grattée pour révéler l'odeur à l'intérieur. Mais voyons donc. C'est vrai. Senteur de menthe fraîche, évidemment, pour que les gens ne sachent pas que tu t'es pas lavé. Le designer est Brandon Svark. La compagnie est Naked and Famous, qui aussi fabrique des jeans qui brillent dans le noir, donc qui s'illuminent dans le noir. Et des pantalons qui changent de couleur dépendant de la température. C'est des produits de Naked and Famous. Celui-là, le jean à odeur de senteur de menthe fraîche, coûte 158$. Hey, voyons donc. Mais il me semble que je m'imagine, hein, il me semble que je sens pas bon. Puis là, tu te frottes les fesses après ta chaise de bureau. T'as juste l'air d'un petit chien qui se traîne... sur le tapis. Ouais. Et voilà. On installait un tapis dans le bureau juste pour pouvoir se frotter les fesses après. voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, tous les liens sur assemblagerequis.com. Fait qu'on s'en va se commander du fudge liquide. Ah, c'est celui qu'on a reçu, retenu le plus. Ben, malgré que le réveil matin, oui. S'il y avait une autre couleur, que parce que là, c'est vraiment bois clair. Mais c'est du vrai bois, donc tu peux le peinturer ou peut-être le vernir, etc. Peut-être. Ouais, ça fit pas dans le look que je souhaite avoir, mais il doit exister d'autres modèles dans le même principe. Probablement. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais magasiner. Parce que je trouve pas ça agréable de devoir prendre justement sur mon cellulaire ou mon iPod pour regarder l'heure. Je trouve pas ça pratique. Puis en plus, il y a tellement d'applications que quand tu le mets justement à l'horizontale, debout, tu sais, ça te fait vraiment comme un cadran. Oui. Et je rêve d'avoir un cadran avec, tu sais, les panneaux qui flappent, un vrai, là? Oui, oui, des flip-flaps. Moi là, aussi, ça, pour vrai. Comme dans Le Jour de la Marmotte. OK. Je rêve d'avoir ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment un très, très beau cadran. Oui, je te conseille. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. on était dans la grande messe hier du football américain et puis dans une folie des chicken wings, des bacon explosion, de la bouffe grasse, du hamburger, de la côte levée, hein, n'importe quoi, mais c'était bien gras et bien bon. Eh bien, cette dame-là ici, Molly Schuyler, a dévoré 363, vous avez compris, 363, mais est-ce qu'elle les a clinés au complet? 363 chicken wings en 30 minutes. Ça n'en fait de l'aile de poulet. Je sais pas comment qu'elle fait pour les cleaner, là, parce que tu sais, quand même, une aile de poulet, là, c'est pas juste une bouchée. On peut pas avaler ça tout cru. En tout cas, on va aller parler de son histoire immédiatement. Donc, vendredi 31 janvier, qui s'est tenu au Wells Fargo Center de Philadelphie aux États-Unis, la 22e édition du Wing Bowl. Ah ben oui, c'était le gros week-end du Super Bowl. Donc, on a créé le Wing Bowl, créé en 1993. C'est une compétition dont le nom fait référence, bien sûr, au Super Bowl et qui met aux prises les plus gros mangeurs du pays autour d'un concours au principe très simple. Celui qui aura réussi à manger le plus d'ailes de poulet frites dans un temps imparti est déclaré vainqueur. Donc, ce vendredi, la dénommée Molly Schuyler a créé la sensation en remportant l'épreuve et en pulvérisant le record. Cette mère de 4 enfants, originaire du Nebraska, commence à se faire une sacrée réputation, outre ses exploits de bouffe, là. Non, c'est ça, c'est qu'elle en a d'autres. Elle trippe pas juste ses chicken wings, finalement. Elle trippe manger en quantité industrielle et de façon très, très rapide. Donc, entre autres, exploit glouton, elle avait ainsi créé, il y a quelques semaines, un certain buzz YouTube où elle avait englouti pas moins de 2 kilos de viande en 3 minutes, OK? Et malgré son gabarit, qui est assez modeste, 1m68, 57 kilos, Molly Schuyler est ce qu'on peut appeler un talent pur du competitive eating, cette discipline dont les compétitions fleurissent aux États-Unis ces dernières années et dont le principe est assez simple, hein, de manger très rapidement une énorme quantité d'un même aliment. En s'alignant sur le Wing Bowl, l'une des manifestations de ce genre les plus populaires, elle avait donc l'occasion de frapper un grand coup. Et c'est ce qu'elle a fait avec brio. Dans une ambiance très américaine où les déguisements ridicules côtoyaient les bimbos très légèrement vêtus, eh bien Molly Schuyler a su faire abstraction de la pression pour réaliser une performance quasi parfaite. Face à des concurrents aux surnoms évocateurs comme l'ours ou l'assiette creuse, nettement en tête à l'issue de chaque tour de qualification, Molly a gardé le cap jusqu'en finale où elle a dominé Patrick Bertoletti, un habitué de l'événement qui avait fini deux fois deuxième en 2006. Ainsi qu'en 2008. Au total, la championne a englouti 363 wings. Et en un peu moins d'une demi-heure, établissant ainsi un nouveau record de l'épreuve. Le précédent, en 2012, avait été réalisé par Takeru Kobayashi. Et lui avait englouti 337 ailes de poulet. Au passage, Molly Schuyler a aussi gagné la coquette somme de 22 000 $. Elle dit, j'ai le crédit de la voiture à rembourser et des enfants à nourrir, donc c'est très bien. C'est ce qu'elle a commenté. Cette jeune femme qui n'a pas encore décidé si elle allait défendre son titre l'année prochaine. Mais c'est pas grave, en tout cas, tu peux dire qu'en tout cas, t'es la top mangeuse d'ailes de poulet cette année, et puis je pense que l'année prochaine, ça va être quand même assez difficile à battre. Là. 363 ailes de poulet en une demi-heure. C'est une fille gourmande. Hein? Ça, c'est sûr. Elle a de l'appétit, on peut le dire. Toujours dans les vidéos ici, les trucs inutiles, mais cette fois-ci, peut-être qu'on vous aidera. Hein? Peut-être que vous avez déjà essayé d'enlever une bague. Vous avez essayé une bague qui n'était pas destinée à vous et vous êtes resté pris avec. Eh bien, on vous propose l'astuce à l'élastique qui est, semble-t-il, infaillible. Dans l'univers des astuces sur Internet, on trouve vraiment de tout. Dernièrement, un médecin a publié l'astuce incroyable pour réussir à retirer une bague coincée autour d'un doigt, qui serait enflé. Cette astuce peut sembler totalement étrange au départ et le résultat final va certainement vous étonner. C'est le docteur Simon Cardley qui travaillait aux urgences dans un hôpital de Manchester en Angleterre qui a eu la bonne idée de publier cette astuce révolutionnaire. Tout le monde peut avoir de temps à autre les doigts légèrement plus enflés que les autres jours et ceci est dû à une pression sanguine ou à une mauvaise circulation du sang. Les fortes chaleurs peuvent en être la cause, par exemple. Mais lorsque ceci survient, eh bien, avez-vous déjà essayé de retirer votre bague? Eh bien, la mission semble presque impossible. Cependant, le docteur Simon Cardle a trouvé une solution miracle. Oubliez le savon ou autre substance visqueuse pour tenter de faire glisser votre anneau. Tout d'abord, vous aurez du mal à le retirer et vous risquez de vous faire mal si vous forcez de trop fort. L'astuce de ce docteur consiste à bander le doigt sur lequel votre bague est placée. Dans la vidéo en question, c'est un élastique de masque à oxygène qui est utilisé pour le bandage car il est beaucoup plus flexible et fin. Mais ceci peut fonctionner avec toute autre forme d'élastique. Le principe est simple. Il faut bander le doigt de manière à aplatir les tissus et cette compression réduira la taille de votre doigt enflé. Ensuite, il faut enrouler l'élastique autour de votre doigt jusqu'à ce que l'anneau, tout en serrant bien fort. Le docteur Simon Cardley indique que cela peut être désagréable. Bien sûr, hein, c'est pour se sortir d'une situation plate. Lorsque le bandage est arrivé au niveau de la bague, il faut passer une des extrémités de ce dernier sous l'anneau. Mm-hmm. La suite est un jeu d'enfant en tirant cette même extrémité. Une sorte de spirale va se former et la bague tournera toute seule et arrivera au bout de votre doigt sans que vous ayez à faire d'effort. C'est un peu difficile à comprendre par parole, mais si vous vous rendez sur la page Facebook du Dîner de con, vous allez tout à fait voir la simplicité de cette technique qui est merveilleuse dans ce cas-là. L'Internet, bien sûr, c'est le royaume des astuces. Tout comme il a été expliqué précédemment, on peut trouver toutes sortes d'astuces sur la toile. Dernièrement, c'est une astuce pour arriver à mettre sa couette dans une housse de couette qui a fait sensation. OK. Cette méthode est incroyable car elle permet d'effectuer cette tâche fastidieuse sans avoir besoin d'aide et le tout en l'espace de quelques secondes. Enfin, un jeune homme a également publié une vidéo dévoilant l'astuce pour bien ranger ses bagages. On en avait parlé. On les met tous ensemble et on les plie seulement une fois tout ensemble et non tout plié chacun des éléments. Une méthode simple et efficace qui vous donnera beaucoup d'espace dans votre valise, hein? Même si vous pensez que c'est pas assez grande, sûrement qu'elle l'est assez. Toujours dans le... On l'a dessus? Attends un petit peu, tape peu. Oui, bon, on va aller avec cette dame qui a été complètement oubliée. Ben oui, elle avait été condamnée à 2 jours de prison. Elle s'appelle Destiny Hoffman. Elle a une mauvaise destinée. Oh, qu'elle est plate, ma joke, hein, vraiment. Donc, a finalement passé 154 jours. Elle était là pour 2. Une femme condamnée à 2 jours de prison est restée enfermée pendant 154 jours après qu'un juge ait oublié de signer l'ordre de sa libération. Destiny Hoffman, 34 ans, avait écopé de 2 jours de prison le 22 août dernier devant la cour du comté de Clark dans l'Indiana. Le juge Jerry Jacoby l'avait déclaré coupable d'avoir faussé ses tests de dépistage de drogue et de n'avoir pas respecté son traitement. Jerry Jacoby avait alors ordonné l'incarcération sans caution de Destiny Hoffman, et ce jusqu'à nouvel ordre de la cour. Seulement, ce nouvel ordre de la cour est complètement sorti de la tête du juge qui a oublié de délivrer l'ordre et qui libérait la trentenaire originaire de Jeffersonville. La malchanceuse prisonnière n'est donc sortie de sa cellule que 5 mois plus tard, grâce à l'intervention du procureur adjoint Michaela Gilbert. Après avoir retrouvé le dossier de Destiny Hoffman, Michaela Gilbert a immédiatement formulé une requête réclamant une audience immédiate et en précisant que les libertés civiles de Hoffman avaient été violées par la durée de son incarcération. Le juge spécial Stephen Fleece a décrit l'incident comme une incroyable erreur. J'espère qu'ils vont la dédommager pour vrai, parce que là, quand t'es là pour être 2 jours puis tu restes là 5 mois, petite différence, là. Même si la fille était une criminelle d'une certaine façon, là, quand elle a fait sa petite erreur, mais de 2 jours à 5 mois, il y a des gens qui font des trucs pas mal plus graves et qui restent là 3 mois. En tout cas, le représentant de Destiny Hoffman, Nathan Mansingo, a expliqué ne pas avoir été mis au courant de l'incarcération de sa cliente et envisage de poursuivre le comté en justice pour détention illégale. Et oui, j'espère qu'ils vont le faire. Précisons que deux des employés de la cour, Suzanne Knobel et Jeremy Snelling, ont déjà été placés en congé sans solde le 7 janvier dernier. De son côté, le juge Jacoby se tient pour l'instant à l'écart des médias et n'a pas encore fait de déclaration publique sur cette affaire. Ben, c'est sûr que tu dois être gêné un petit peu. Tu dois te sentir un petit peu cave. Mais bon, un autre ici qui devait se sentir un peu gêné, et vous allez comprendre pourquoi, c'est un journaliste turc qui confond son micro avec un champignon. Ben oui, lorsqu'il a interviewé son invité l'autre jour, ce présentateur a commis une belle boulette qui n'a pas manqué de faire le tour du monde. Tenant dans une main son micro et dans l'autre un volumineux champignon, cet homme a tout bonnement confondu les deux en tendant l'organisme végétal à son interlocuteur au lieu du microphone. Tandis qu'il était en train de l'interroger, eh bien, ce journaliste agrippait dans sa main gauche son traditionnel micro, alors que sa main droite, celui-ci tenait un énorme champignon de taille et de forme forme similaire. Pas similaire, là, ça ressemble à un champignon et non à un micro. Concentré sur sa question, le présentateur n'a pas vu pourtant que celui-ci commençait à approcher dangereusement le champignon de la bouche de son invité pour parler. Quelques secondes plus tard, eh bien, ce qui devait arriver arriva, ayant complètement abandonné son micro pour ne parler plus uniquement que dans le champignon. L'homme a tendu celui-ci à son invité sans que toutefois son interlocuteur trouve visiblement quelque chose à redire. Ne faisant pas attention au problème de son occasionné par cette méprise, le journaliste va quand même continuer quelques secondes sans se douter de rien. Finissant tout de même par se rendre compte de son erreur, l'homme va alors partir dans un fou rire contagieux, rapidement rejoint par son invité qui lui aussi n'a pu résister devant le comique de la situation. Juste vous lire l'article, en ce moment ça me fait rire. Imaginez quand vous allez voir la vidéo, ça fait un petit peu décalé. Elle a été relevée, cette vidéo, par le site LiveLeak, une vidéo qui a connu et beaucoup amusé la toile et qui n'hésite pas depuis largement à contribuer à sa diffusion. Si l'erreur est humaine, eh bien, on peut dire qu'elle arrive même au meilleur. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. La bouffe de la semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 1006, Néré Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent là. Croustille! Oh! Yeah! Yeah! J'essaie de suivre celle-là. C'est la bouffe de la semaine, Stéphanie Paradis. Hey, hey! Salut, hey. Mathieu Plante. Hello! Sais-tu ce que je te présente aujourd'hui? Non, je suis surpris à chaque semaine. Tu fais exprès, en fait. c'est voulu. Mais aujourd'hui, je vous présente les Snappy Crisps. Ah! Crisps. Et excuse-moi, un S avant et après un P. Je trouve ça que c'est trop. Donc, des Snappy Crisps. Imagine si tu avais un zozotement. Donc, ce sont des croustilles de pois vert. Hein? Ben oui, des croustilles de pois vert. Donc, pas de patates. Donc, c'est quand même des chips. J'ai entendu, il n'y a pas de patates. De patates. Patates. De patates. T'as mis des S partout encore, tu zazotes. Les pistasses. Donc, on aime ça. C'est pauvre en sel. Et elles sont cuites au four. Donc ça vient en sachet de 100 calories. Donc moi, je me les suis procurées au Costco. OK. Donc c'est une grosse caisse de 36 sachets. Donc j'espère vraiment que je vais aimer ça. Une cuisse de caisse. C'est une cuisse de grosse caisse de 36 pour 12$. Donc c'est quand même beaucoup moins d'un dollar. Ça revient pas cher le sachet. Le sachet. Donc c'est des paquets de 100 calories. Donc on aime ça. C'est des portions... raisonnable si on veut. Et c'est la compagnie, mon Dieu, ben, c'est Harvest Snaps de Calbee. Donc, ce sont des sachets de 21 grammes. Je vais vous lire la description. Nous adorons les pois. Nous sommes obsédés par les pois. Ils sont en fait des légumineuses, c'est-à-dire une plante dotée de gousses qui se sépare en deux moitiés. Les Snappy Crisps sont taillés sur mesure, mais nous sommes divisés concernant ce qui rend cette collation si fantastique. Bon. S'agit-il des incroyables saveurs piquantes ou des bienfaits nutritifs de cet emballage naturel parfait? Vous choisissez. Peu importe, lorsque l'on vous offre un sac de délicieuses croustilles Snappy Crisps, vous n'avez qu'à dire, mais là c'est un jeu de mots. Ah non. Je vais te le faire en anglais. S'il te plaît. Parce qu'il est meilleur. Donc, vous n'avez qu'à dire « Yes, please ». ».« Yes, please ». Comment ils l'ont traduit en français? OK. « S'il te plaît ». C'est ça. C'est ça? Oui, s'il vous plaît. Ah, t'es pas sérieux. Je faisais vraiment une blague comme vraiment que je savais qu'elle était de mon calibre habituel. Très, très bas. C'est vraiment mauvais, hein? Wow! Oui, s'il vous plaît. Donc, on va... Mais cette collation fêtait le poids. Des choses comme ça, ça a été vraiment... Ah, wow. Mais non, mais non, mais Simply Say, yes, please! Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bon, quand j'ai vu ça qu'il y avait un jeu de mots, là, j'étais très enthousiaste. Magnifique, mais j'avoue, je les pardonne parce que c'est pas un jeu de mots très facile à traduire. Non, non, effectivement, c'est assez compliqué, mais en anglais, je trouve ça savoureux. Donc, on espère que cette collation aussi va être savoureuse. c'est quand même fait de pois entier à 70 %. Donc, on aime ça, la liste des ingrédients est aussi très courte parce que ça fait partie de mes critères quand je choisis de la bouffe à vous présenter. Donc, les ingrédients, pois vert, donc ça commence avec pois vert, on aime ça. C'est l'ingrédient qui est en plus grande quantité. De l'huile de maïs, du riz, du sel, du carbonate de calcium et du palmitate d'ascorbile. Ça, je sais pas trop c'est quoi. On s'entend, mais c'est quand même... naturel quand même. Là, je pense pas qu'il y ait mis des affaires chimiques là-dedans. On le sait pas trop. Mais c'est quand même une liste quand même assez courte, donc c'est facile de vérifier ce qu'on consomme là-dedans. Ouais. C'est préparé dans une usine qui fabrique également des produits contenant du blé, du lait, du soya, des crevettes et du poisson, donc c'est à faire attention. OK. Donc, c'est pas conseillé pour les gens allergiques à tous ces cossins-là. C'est pas conseillé, comme on dit. C'est pas conseillé. Pas du tout. Pas du tout. Donc, comme je vous disais, ce sont des emballages de 100 calories. Il y a 3,5 grammes de glucides. De lipides, pardon, je dis n'importe quoi. 3,5 grammes de lipides, seulement 0,5 grammes de gras saturé. Donc, c'est quand même très raisonnable. Si on s'entend qu'on compare avec d'autres croustilles, je veux dire, c'est un autre niveau, là. Ensuite, seulement 40 mg de sodium, ce qui est très peu. 180 mg de potassium. On a 13 g de glucides, 3 g de fibres. Et on a 4 grammes de protéines. Quand même intéressant en protéines. Ce sont des légumineuses, donc il faut s'y attendre à avoir des protéines. Donc, ce sont quand même des valeurs nutritives qu'on ne retrouvera pas avec des croustilles traditionnelles là, de patates, finalement. Donc, très différent. J'ai hâte de voir le petit goût que le pois va apporter. Oui. Donc, moi, ça passe, comme tu l'as dit, ou presque, au prochain niveau. Donc... Oui, c'est le moment d'ouvrir l'emballage, donc je baisse la trame. C'est quand même un emballage... solide. Solide, oui. Ça se déchire comme du papier ou presque. Hein? Oui, c'est un emballage quand même consistant. Mais c'est biologique, pas biologique, mais écologique comme emballage. On disait, tantôt ça disait dans la description que leur emballage... Il n'y a pas un autre sac juste pour moi, pour vrai. Mais oui, je t'ai emmené ton sac, je pensais qu'on se divisait le sac en deux. Mais non, on se divise pas le sac, t'es-tu malade? Aïe, aïe, aïe. Donc, t'as ton sac, je t'ai emmené ta collation. J'aime quand tu me parles comme ça. Hey, regarde ça, c'est vraiment la forme des pois. Je trouve ça fascinant. C'est comme si on avait la petite gousse, là, mais... C'est cuit au four, donc c'est pas frit, j'allais dire. On dirait une gousse frite, mais c'est cuit au four. Et ça ressemble aussi à l'apparence un peu d'une frite de fast-food, je trouve, on dirait. Oui, c'est vrai. C'est comme une frite grossière, ouais. Mais verte. L'odeur est très, très pois. Hein? Je te dirais que si je sens ça, que ça pue. Pour vrai, un peu. Je serais pas attiré l'odeur. Par l'odeur du tout. Non, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais bon, on va devoir faire fi. Je sais pas trop ce que ça sent, donc... Es-tu prêt à croquer dans ton poids? Oui, on baisse encore la trame pour vraiment goûter avec le public. Ouais, tu peux y aller dans celui qui est fort ici. OK, attention. Ça goûte le vert, ça goûte le brun même quasiment. Ça goûte quelque chose le de... brun. Ça goûte quelque chose de trop santé pour moi, ça. Mais... Oui, okay. Le poids est présent. C'est c'est vraiment dans l'arrière-goût que le poids est présent. Pas au hein? début. Au début, c'est seulement, on dirait que ça goûte régulier, ça goûte nature, on dirait une chip nature au départ. Mais plus brune, mettons, santé. Un petit grain presque. C'est vrai, c'est quand même proche de la croustille nature. Mm. Mais avec le petit arrière-goût de poids. Mm. Moi, j'adore les croustilles nature. Oui, c'est très, très bon. Mais j'avoue que, tu sais, je me demande s'ils ont plusieurs sortes. Ça, c'est la saveur originale. Ben, s'ils ont marqué original, j'imagine qu'ils ont d'autres sortes. Si mais... original, il y a sûrement d'autres sortes. S'il y en avait au jalapeno ou quelque chose comme ça, qui avait un petit kick dès le départ. Ben écoute, je vais te révéler quelque chose. Un secret? Je vais peut-être l'apporter la semaine prochaine. Je sais pas encore, je sais pas si je vais en faire une chronique, mais j'ai vu aussi au Bulk Barn, il y a une autre marque de chips de pois, mais avec des saveurs, donc je pense que c'était comme tomate et quelque chose, et des trucs comme ça. Il y avait trois saveurs disponibles, je me souviens pas vraiment lesquelles. Donc ça pourrait être bien de comparer avec ces saveurs-là. Donc, moi, je voulais explorer les chips de pois. Et ensuite, on pourra peut-être aller explorer les différentes saveurs. On pourra. On pourra. On pourra faire ouais. ça. Mais moi, tu vois, j'avais jamais même appris qu'il y avait des chips au pois. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est tout nouveau pour moi ce matin. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Vraiment très, très bon. Mais je te dirais que c'est un peu comme le même principe que le yogourt de soya. OK. On sait tellement pas à quel goût s'attendre que c'est sûr qu'on est surpris. On est comme pas certain de où on s'en va. Mais je te dirais que plus j'en mange, plus je l'apprécie. C'est un peu la même chose que le yogourt, là. Exact. Je prendrais un sac grand format de ça facilement. Autant que chez encore, tu les as achetés chez Costco, on l'a dit tantôt. Ils ont aussi des gros sacs de chips de popcorn à saveur, genre à la marmite, là. Les petits triangles de popcorn. Ouais, ouais, ouais. Je te fasse goûter à ça à un moment donné, mais ils sont vraiment excellents. Et là, je suis rendu accro à ça. Et tu sais que Costco a tendance à avoir un produit pendant un certain temps et ensuite ne plus l'avoir. Donc, ma copine hier me disait, attache-toi pas à tes chips popcorn. Mais Colin, il est trop tard pour ça. Fait que là, si je deviens accro à ça, ça pourrait me rendre malheureux plus tard. Ben non, peut-être pas. Moi, les produits que j'achète au Costco sont tout le temps là. Ouais. Donc, ça doit dépendre de ce que tu achètes aussi. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment très croustillant. Oui. Donc, c'est dur d'en manger à la radio. Moi, j'ai dû arrêter parce que sinon, ça faisait du bruit de mâchage à la radio. Mais c'est parce que ce qui est le fun, c'est que souvent, quand on écoute la télé le soir, on écoute un film, on a besoin de grignoter, on a besoin de quelque chose de croustillant. Oui. On s'entend que du céleri, des carottes... Pas pareil. C'est pas le même feeling. Je pense que ça, le petit croustillant de ça, la texture... Qui est vraiment semblable à la chips, oui. mais en plus épais. Donc, on aime ça. C'est quand même très consistant sous la dent. Donc, je pense que pour grignoter devant la télé, c'est quand même très intéressant. Et tu as le contrôle des portions, en plus, qui est vraiment bon. Tu vas peut-être manger juste un sac. Et moi, je trouve que ça, je combinerais quasiment, pour expliquer le goût, quasiment à une chip régulière, comme on a dit tantôt, mélanger un petit peu avec, tu sais, les Funyuns, les rondelles d'oignons en chips, c'est ça? Un peu la texture qui fond un peu sur la langue. Fondant, croquant et sablé presque dans sa texture. Oui, oui, oui. Et ensuite, les petits pois en arrière-goût. Donc, pour vrai, c'est très gagnant. Ben oui, c'est quand même cool, hein, comme petit produit. Puis, pas de culpabilité. Pas de mots à dire, là, tu sais. J'ai rien à dire. Pas de culpabilité. C'est ça, donc aucune culpabilité à manger un sac de ça. Ben c'est sûr, c'est comme n'importe quoi, c'est la modération. Si tu manges un énorme sac, c'est pas vraiment mieux que manger un sac de chips, là. Non, mais tu sais, ils disent que la modération a bien meilleur goût. Moi, je trouve que ça a bien meilleur goût que de la modération. Ah! Je sais pas, pour toi? Ben oui, moi, pour vrai, ouais, c'est gagnant. Belle petite collation croustillante à se mettre sous la dent. Et c'est aussi à faire attention, des fois, avec les sachets faibles en calories. Ils sont déjà comme justement pré-préparés. Non, mais souvent, on voit des sachets avec des biscuits, genre des petits sacs de Oreo. Donc, hey, c'est seulement 100 calories dans un sac. Ouais, mais est-ce que tu as lu la liste des ingrédients? Est-ce que tu penses que c'est vraiment meilleur pour la santé de manger 100 calories de ton petit sac ou 100 calories de ta grosse boîte de biscuits? Donc, il n'y a vraiment aucune différence. Ça reste un biscuit, ça reste une gâterie, ça reste mauvais pour la santé, même si c'est bon dans la bouche, là. Donc, il faut apprendre à développer ses goûts pour des produits qui vont être meilleurs pour la santé, parce que tous les produits ajoutés, même dans les trucs Kellogg ou les petits biscuits Oreo en petits sachets et tout ça, oui, c'est bon. Ah oui, c'est faible en calories, mais il n'y a pas juste ça, les calories dans la vie. On en a besoin aussi pour vivre. Donc, il faut savoir choisir ses calories. Wow! C'est bien dit, ça. Ouais. C'est bien dit. C'était super bon, les Snappy Crisp. Ouais, donc je vais répéter, c'est des Snappy Crisp. Moi, j'ai trouvé ça au Costco. Je sais pas s'il y en a ailleurs, mais moi, c'est de là que ça vient. Sinon, je vais faire un petit retour sur la chronique de la semaine dernière. Oui. On avait goûté les barres de figues. Mm-hmm. Moi, j'avais trouvé ça au marché végétarien. Mais j'en ai vu hier au Costco. Ah. Donc, les barres de fibres, de figues, oui, de fibres aussi, parce qu'il y avait beaucoup de fibres à l'intérieur. Donc, ça vient en caisse de 24, emballage double. Donc, moi, c'était des emballages doubles que j'avais apportés. Donc, à l'intérieur de la boîte, il y en a 8 aux framboises, 8 aux bleuets et 8 à la figue traditionnelle. Et c'était seulement 9$ la boîte pour 24 emballages, alors que moi, j'avais payé 99 cents. L'emballage double. L'emballage. Donc ça veut dire que cette caisse-là, achetée à l'unité, vaudrait 24$. Alors que là, elle vaut seulement 9$ la caisse au Costco. Donc si vous voulez goûter, si toi, Mathieu, tu as apprécié, ouais. Je pense que ça peut être une bonne chose d'aller chercher directement à la caisse à la place de l'acheter à l'unité. C'est clair que c'est ce que je vais faire pour ce prix-là. On serait fous de s'en passer. Je suis bien d'accord. Les barres de figues de la semaine passée, est-ce que tu te rappelles la marque? C'était Nature's Bakery. Parfait. Et ça, c'est des Snappy Crisps. sont faciles à trouver présentement, sont au bout de la première rangée dans le centre. Génial. On se procure ça dans cette énorme surface qu'on appelle le Costco. Oui, c'est ça. Mais là, je vous conseille vraiment les Snipe Crisp, donc des croustilles de pois. Fait à 70 % de poids entier. C'est fabuleux. Merci Stéphanie. Ben merci Mathieu de m'accueillir et me laisser te parler de nourriture. Hey, tu me fais plaisir, toi tu le sais. Oh. Donc voilà pour la bouffe de la semaine, c'est toutes les semaines, les jeudis à 9h. Ouais! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Oh yeah! Et puis là, ben, c'est toujours drôle de dire les « oh yeah » parce que je te l'ai dit l'autre fois, on se fait parodier ah à oui, cette heure. Ah oui, c'est ça le matin. Hein? Ben oui, le matin, je m'entends me parodier, mais bon, on salue de façon bien sympathique Mathieu et Stéphanie pour ça, un petit clin d'œil. Ils font la bouffe de la semaine, eux autres, tous les matins, le jeudi matin, justement, pour un peu se moquer de moi. Donc, j'ai pas le choix de faire des « ouh yeah! » Ils attendent ça, là. Ils attendent que je me mette à crier. Et puis, ils m'attendent. Ils baissent la trame quand ils ouvrent le petit sachet de trucs. Ils sont vraiment parfaits. Sur ce, ben, le moment tant attendu des animateurs de cette émission est arrivé. On est jeudi. Et c'est la bière de la semaine. Et aujourd'hui, la Barrique nous offre une belle bière de encore de Saint-Tite. Ah, par ici? Ben oui, les gens vont dire, vous êtes donc bien chauvin. Ben c'est parce que, écoute, on fait du bon stock, ça a de l'air. Il y a plusieurs brasseries, là. On s'en vient les pros de la bière, là. Ben oui, puis hey, parlant de ça, c'est une bonne chose, c'est un bon lien. La Barrique, il y a le temps d'une pinte à cette heure. Ben, que je suis allé, d'ailleurs, la semaine passée. Oui, ben j'aimerais que tu m'en parles, ben, justement. C'est, comment t'as trouvé ça? C'est un drôle de mix. Je sais pas trop. J'étais bien placé parce que j'étais dans le fond complètement. Okay. T'étais déjà allé au torréfacteur. Ben, j'étais allé au torréfacteur souvent, oui. C'est ça. J'étais dans le fond, puis il y a un bar dans le fond. Puis, fait que j'étais assis, puis je voyais la salle au complet. Là. Okay. Puis, de un, ça a de l'air... C'est parce que c'est comme un mix de plusieurs genres qui ont mis ensemble. Puis, c'est, franchement, ça donne une bonne impression. OK. Mais... C'est un peu hétéroclite. Il est un petit bout, ça a l'air d'un snack bar. Un petit bout, l'éclairage, ça a l'air d'un éclairage de discothèque. OK. C'est un hybride. Ouais, c'est ça, c'est mêlé. La bière est excellente. J'ai pris une qu'est-ce rousse. Qu'est-ce que t'as pris? Une rousse, OK. Mais, de leur bière à eux. Oui, c'est okay. Ça. Un peu sucré, mais j'ai trouvé ça excellent. Mais j'ai pris un tartare de truite, mon gars, là. Wow! Mais c'est ce qu'on me disait, la bouffe semble être intéressante. C'était pas donné, mais... OK, mais c'est ce que... C'était ma prochaine question. Mais j'ai pris une entrée, puis c'était 14. OK. Okay. Mais tu t'es fait plaisir. Oui, oui, absolument. Tu vas pas là. C'est pas une place pour aller prendre un coup à toi et se mettre. Le monde sont bien certainés. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, ouais, c'est ça. Ça va leur coûter cher. Ça va leur coûter 50. Mais en tout cas, si ça vous tente de découvrir cette place-là et puis de découvrir quelque chose de le fun, c'est que mardi prochain, à 17h30, justement, au temps d'une pinte, ça va être la soirée La Barrique au temps d'une pinte. Ah? Ils vont amener là-bas un baril de 50 litres de pale ale néo-zélandaise l'autre fois qu'on a bu. Et puis, ça va être un genre de 5 à 7 pour discuter avec autant les employés que les clients. Service est excellent. Okay. Excellent. Franchement, on a été gâtés. Là. C'était une belle place pour se payer à la traite. Puis la grosse qualité, il ne faut pas que j'oublie de te dire, c'est il n'y a aucune TV. Ah, bonne idée. Ça, ça, c'est un choix. Je sais que ça a dû se parler dans les chaumières et parce que ça attire du monde, un certain type de monde. Mais comme je te dis, au prix que c'est et à la qualité qu'on a, je suis pas sûr que c'est des... T'es pas là pour venir écouter le Super Bowl. Là. Non. Tu reprendras ailleurs. Va dans une brasserie. Pis, exact. Ben, c'est une bonne chose, oui, effectivement. Ouais. Donc, à ne pas manquer, 17h30 au temps d'une pinte, c'est la soirée La Barrique. Donc, vous allez découvrir les produits de La Barrique, leurs produits qui ont fait virer pour eux-mêmes, qui ont fait brasser. Ouais, ouais. Et puis, vous allez avoir l'occasion. Rappelle-moi la journée. C'est mardi prochain, 17h30. Donc, un genre de 5 à 7 mardi. Bon, on va peut-être aller Moi, je pense que je vais y aller. Il y a bien, bien des chances. Et puis, avec la gang de La Barrique, ça va être le fun. Ils savent qu'on. Tu sais, c'est nos commanditaires. Ouais, absolument. Fait que ça va être bien, bien le fun. On va être là. Sinon, ben, on va rester dans le chauvinisme, ben oui, on va parler de À l'affût, cette belle coop de travail qui a lieu, qui a maison à Saint-Tite même, drette de billets avec l'église. Un endroit incroyable. Michel, t'es-tu déjà allé? Non, je suis pas allé. Ah, c'est l'ancien magasin général de Saint-Tite. Donc, la bâtisse, c'est une belle maison, vraiment, c'est historique, là, c'est super beau. Et puis, le restaurant, là aussi, hallucinant. Il y a leur fameux fish and truite. Non, c'est ça, chip and truite. Chip and truite. Ouais, au lieu de fish and chip, c'est... Ah oui. Truite and chip. Hey, j'ai de la misère. J'ai pas encore bu, là, hein, imaginez. Donc, un truite and chip qui nous vient de la bonne truite de Saint-Alexis-des-Monts. Oui. Alors, évidemment. C'est excellent. Une panure à la bière, mais tu sais, on est là. C'est extraordinaire. Mais tu vois, on avait parlé avant les fêtes le fait que les villages sont... revigoré grâce à la bière, puis qu'ils prennent le magasin en général, c'est le plus bel exemple. Oui, vraiment. Puis il y a plein de petites entrées, le fun, là, des petites umami, là, des genres de dattes avec du bacon autour. C'est génial. Donc aujourd'hui... Toi qui n'aimes pas le bacon. Non, c'est ça, moi j'aime vraiment pas le bacon. Petite histoire d'amour avec cet aliment roi. Donc l'autre fois, on avait goûté une bière de leur série qui s'appelle À la Belge. Donc, ils vont avec une méthodologie belge. On avait goûté la triple blanche. Tu étais là, je pense, avec moi. Oui, absolument. Triple blanche. C'était une bonne bière. Excellente. Vraiment, moi, oui. Moi qui n'étais pas un amateur de blanche, ouais, j'ai été surpris. Celle-là était très bonne. Celle-là, c'est une type saison. C'est carrément différent. Et je vais vous envoyer la petite histoire de cette bière. Donc, dans sa série expérimentale d'inspiration belge À l'affût, justement, À l'affût vous propose cette saison où l'acidité de la levure se marie à merveille à l'aromatique épicée, frais et végétal du houblon. Parce qu'on nous dit qu'il y a vraiment un côté, là, foin mouillé quasiment, tu sais, et vraiment assez intéressant. Résultat d'un houblonnage accru, d'une douce amertume vous accompagnera jusqu'à votre prochaine gorgée. On nous dit aussi qu'on a des saveurs de banane qui montent un peu. Oh. Donc, on va s'ouvrir ça maintenant. On va baisser la trame, hein? Faut être conséquent à nous-mêmes. Si on veut être parodié, il faut se parodier nous-mêmes, hein? Donc, aussi, je vous fais noter, À l'affût, désormais, sert tous ses bières dans des canettes en métal, en alu. Ils ont, pas de bouteilles. Plus de bouteilles. Ils ont décidé de s'en aller vers ça. Leurs produits, il y a plein. Ils disent les avantages. Ils disent de la canette. Réduction de 33% du poids total, premièrement. Ouais. Occupe jusqu'à deux fois moins d'espace. Protège totalement la bière de la lumière et de l'oxygène. Complètement étanche, simplifie la gestion des consignes et en plus, c'est incassable. Moi, je vous dirais, ça s'amène dans tous les festivals aussi l'été, parce que souvent, tu n'as pas le droit d'amener de la vitre, donc dans le camping, n'importe quoi. Et puis, on ne goûte pas la canette. Tu sais, des fois, il y a des bières cheap, là, tu goûtes, puis ça goûte le métal. Elle, ça ne goûte pas. Tu ferais un test à l'aveugle à n'importe qui, il ne pourrait pas savoir si elle vient d'une bouteille ou d'une canette. Donc, on va se la verser, cette bière, trêve de bavardage. On l'entend moins hein, quand c'est dans une canette. Ça fait moins glou-glou. On veut une bouteille. On veut une bouteille. Passe-moi donc ça, ton verre, tout. Ben, tiens, prends-lui, peu importe. On va s'envoyer ça. Eh bien, oui. Tiens. Parfait, ça. On dirait que j'ai un compas dans l'œil. Donc, à la tienne, Michel, on remonte la trame. Question d'agrémenter nos auditeurs. Donc, au look. Ben, c'est voilé. Hein? On s'entend que c'est pas clair. Oh! On sent les... Moi, je trouve que ça sent les fruits tropicaux. Oh. Pour vrai, là, vraiment, on sent les fruits tropicaux. On nous dit qu'on a utilisé quoi là-dedans, là? C'est quoi les ingrédients qu'on nous dit? Amertume modérée, acidité modérée, sucre faible. On nous dit que la mention en alcool, 6,1%, c'est une canette de 473 millilitres. On a des petites informations là, mais on va commencer par la boire. C'est drôle, j'ai comme une petite odeur de gomme ballon. Ben, parfait, c'est ce qu'on veut savoir. Moi, c'est pour ça que j'ai dit fruité au ouais, bout. C'est là. Ça. Ben, quand ils ont parlé de banane, fait que c'est ça qu'il doit donner. Oui, vraiment. En tout cas, au nez, c'est. Moi, je trouve que c'est rempli de saveurs. Ça sent fruité. Ça sent. Pas tant ce qu'on nous disait tantôt, ce que les gars de la barrique me disaient, l'herbe, puis tout ça, moi, je le sens pas. Peut-être que ça va être plus au goût, d'après moi. Ça va être l'amertume qui va attaquer avec un goût. Je pense qu'on va arrêter de parler, puis on va y goûter. Ben, la mousse est peu présente, mais elle est persistante, par exemple. C'est vrai. Ça n'a pas bougé. Et puis, il monte toujours des petites bulles, même si elle semble pas. Puis, tu sais, on l'a versé quand même assez violemment. Il n'y a pas de gros collet, mais elle reste, puis elle colle quand même assez bien sur le verre. La petite dentelle est bien, mais pas fofolle. Tu sais, des fois, il y a des dentelles qui sont comme toutes tiraillées. Ouais. Elle tient dans un... Elle se tient, disons. Donc, on s'en va une petite gorgée. On y va. Oh! Assez amer, quand même. Ouais, mais acidité. Pas très puissant comme goût. C'est pas... Mais moi, je l'ai goûté là, en la faisant rouler, là, un peu comme on goûte le vin ou des trucs genre. Tu sais, t'as... Et puis, il y a une acidité certaine qui monte et assez d'amertume quand même. Facile à boire. Ouais. Facile à boire. L'agrume un peu. Agrumé, oui, vraiment. Mais moi, je trouve que c'est ça, le côté un peu tropical. Je sais pas, mais c'est ce qui me vient, moi. J'ai plus odeur de fruits tropicaux que de banane en tant que tel. Là. Ça va quasiment être la pêche, un peu. Ouais, vraiment. Ben, c'est... Ouais. J'acquiesce. Et puis, si on s'en va sur ratebeer.com, eh bien, on a quand même quelques petites critiques. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est exactement le même brassin, parce que je vois les dates. Donc, on va s'y fier, mais pas trop. Mais c'est la même genre de recette, finalement. C'est sûr que le brassin, des fois, peut... Une petite virgule fait changer tout le reste, là, mais en tout cas... On dirait qu'elle est meilleure, puis t'en bois. On dirait que... C'est vrai. Je suis rendu à la troisième gorgée. Et meilleur. Oui, puis en finale, moi, là, je l'ai, la céréale est dans le prélard. Quand, que, justement, je l'ai laissé tomber. Mmh. Ensuite, là, vraiment, ce qui reste en bouche, c'est le pain, c'est les céréales, pour ma part. C'est très bon, très, très bon. Ouais, très bon. Donc, on va aller avec ici Tactique Montréal, qui en a quand même critiqué 5473. Il en a déjà bu une autre. A-t-il un foie, c'est la question. On se le demande. Il dit arôme légère, odeur d'agrumes, épices et pointe de levure. Oui, tout à fait. La couleur est blonde, légèrement voilée, avec une faible densité de bulles. Mais à date, ça ressemble pas mal à ce qu'on a. Ouais. Légèrement voilé. Moi, je dirais quand même assez voilé. Elle est opaque. Ouais. On peut pas voir à travers. Mais c'est sûr, comme elle c'est une blonde, elle laisse passer quand même la lumière. Là, on parle pas d'un truc noir comme la suie de pointe. Donc, c'est ça. Présence d'un mince col mousseux et d'une file dentelle sur le verre. Hey, on est rendu des pros, là, Michel. Là, c'est exactement calme, ce qu'on dit. Une saveur au goût d'agrumes avec une pointe de banane et d'alcool. Là, moi, la banane, je sens plus, comme tu dis, plus les pêches, ouais. Ou même l'ananas, quasiment. Moins la banane. Mais en tout cas, ça sent vraiment bon. Et puis, ça sent l'été, personnellement. Moi, je trouve, même si souvent les bières de saison, c'est des bières quand même assez fortes. C'est ce qui est un peu la différence. Souvent, les bières de saison, c'est un peu plus fort, moi, je trouve. Celle-là, je la sens légère, pareil. Oui, absolument. Ça se boit bien. Oui, ça se boit très, très bien. Si je continue avec M. Tactique Montréal, il dit « Durée moyenne de l'arrière-goût. » OK. « Palette, eh bien, le corps est moyen avec une texture légèrement onctueuse. » Oui, mais pas huileuse, pas épaisse. Là. Elle est vraiment légère, même si elle est voilée. Une moyenne effervescence en bouche, légère présence d'agrumes en arrière-goût. Moi, c'est plus en premier goût que j'ai l'agrume, puis en arrière-goût, j'ai la levure, j'ai le pain, j'ai ces trucs-là. Mais bon, moi, c'est ma bouche, là. Je sais pas ce que t'en penses, là. On a le siffle-bière qu'on a souvent critiqué, on a souvent mis ici en onde. Il dit « liquide mi-mince, plutôt doré, col de mousse persistant, arôme de levure belge fruitée. Peut-être, sauf que j'ai appris que c'était des levures allemandes qui ont été utilisées là-dedans. Et même si c'est de type belge, mais tu sais, l'Allemagne, la Belgique... On est quand même proche. À un pas d'une station de train de différence, à peu près. Donc, on y va. Pétillante en bouche, ou pas de temps. Hey, il a, lui, saveur de banane et gomme ballon. Ah, tiens, ça te le dit, ça sent le premier. Exact. La première odeur que j'ai eue, c'est ça. Ben, c'est parfait, les premières odeurs, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Il dit gomme ballon et pêche. Fait que t'as vraiment le nez, mon ami. Ouais, c'est ça. Un petit côté poivré. Il est pas petit non plus. Côté poivré, moi, pas tant. Non, j'ai pas senti. Pas sans, tant non. De poivre. Je sens des épices, mais je pourrais pas nécessairement dire lesquelles. Mais oui, un petit côté épicé. Excusez, il fallait que j'en essaye. Je voulais voir s'il ment ou pas, lui-là. Ouais, c'est ça. Il dit le côté poivré, caractéristique de ce style, est quasi absent. Ah, OK. Il y a donc, finalement, il n'a pas. Il n'a okay. pas, c'est ça. Elle rappelle beaucoup certains produits d'Unibrew. Moi, je trouve pas. Parce que moi, je trouve Unigou, ils ont Unigou. Exactement le lapsus que je voulais dire sans le vouloir. Mais c'est tellement rendu que j'appelle ça comme ça. Moi, Unibrew, j'appelle ça Unigou. Pas parce qu'ils sont pas bons, mais c'est que toutes leurs bières goûtent la même chose. Ouais. C'est juste la force, à peu près, la couleur qui change. C'est pire depuis que ça a été vendu, d'ailleurs. Oui, ouais, vraiment. Des vendus. C'est pas ça qu'on a dit, là, mais bon. Moi, je trouve que, personnellement, j'aime mieux cette bière-là que les produits Unibrew. Je la trouve plus facile à boire. Oui. Unibrew, je trouve qu'à un moment donné, ça, c'est long à boire. En tout cas, je dis ça comme ça. Elle est imbitubitablement, oui, de type belge, mais on se demande où se trouve la saison. Effectivement, je trouve pas qu'elle ressemble à une saison classique. Fruitée et savoureuse, elle est cependant quelque peu à côté de la coche, dit-il. Côté overall, on y donne pas tant que ça, on y donne 46 sur 100. Sur 100? Oui. Non, ça se peut pas. Ils sont à côté. C'est pas la première fois qu'ils sont à côté complètement. Non, je sais. Puis le style, selon le style, ils disent 11. Ils sont vraiment à côté de la traque. Mais bon, ils ont le droit. Hein? C'est comme ça. On s'en envoie un autre ici, Bière-Luc. On a souvent parlé de Bière-Luc ici. Il dit blonde dorée avec une effervescence visiblement active et un col de mousse plutôt aéré. Ouais, mettons pas là trop, là, mais il reste. Ouais, c'est ce qui arrive, il est mini, mais il reste. Ouais. Des fois, il y en a qui disparaissent complètement. Lui, là, nez parfumé avec un peu de poivre et d'agrumes. Agrumes, oui, poivre, on l'a dit tantôt, là, il est assez pas là. En bouche, la levure belge, gomme ballon, prend beaucoup encore de place. Tiens, toi. Le goût fruité se transpose avec des arômes de banane et de poire. L'alcool se fait surtout sentir vers la fin. Oui, tout à fait. Mais moi, comme j'ai dit tantôt, je verrais plus poire et gomme ballon même que banane. Parce que banane, il y en a certaines levures, là. Ça sent la banane complètement. Ouais, fait que moi, je trouve pas celle-là. On a la tendance, mais quand on dit fruits tropicaux, tu sais, c'est comme une gamme d'odeurs, là. Mais faut dire que la banane et la gomme ballon, des fois... Des fois, ça se ressemble. Ça se ressemble. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est une odeur bien le fun, sucrée, là, facile. Ouais. Donc, et une petite dernière, oui, on va s'envoyer Vincent Damon. Lui, il y en a 235 quand même. Une couleur jaune dorée, effervescence avec une belle mousse généreuse, comme je les aime. Un nez d'épices, de levure et de pain. Oui, bon bouquet de triple belge, je dirais. Triple belge, c'est beaucoup plus fort en alcool. Là. Moi, je trouve qu'il est pas là pantoute. En bouche, les notes acides sont moins intéressantes. Belle texture, belle amertume en finale. Moi, je trouve que l'amertume en finale, oui, mais bon, en tout cas. Moi, je dis en finale, c'est plus le côté pain, levure, etc. qui vient. Tu sais, ça goûte ça en dedans de moi. Et pas un mauvais produit, mais dans le style, il se fait beaucoup mieux. Cheers! Cheers. Alors, ben merci, messieurs. Et puis, c'était à la Belge, saison 1 de la microbrasserie à l'affût qui est située à Saint-Tite. Excellent, excellent produit. Excellente place surtout, vraiment, des gens en plus sympathiques. Le service, tantôt, tu parlais du service à la pinte. T'es servi là, de façon majestueuse quand t'es à Saint-Tite. Le seul problème, c'est que c'est à Saint-Tite. Ben, c'est vrai. Loin. C'est loin parce que, sérieusement, après une bonne bouffe, quelques bières... T'as pas le goût de prendre ta voiture, tu sais. Ouais, sérieusement, moi, c'est la seule chose. Sinon, j'y irais beaucoup plus souvent. Déjà, le trou du diable, tu sais, ça se fait vraiment mieux. Saint-Tite, il y a comme une portion extra plus loin, là, un petit côté. Ben, t'es pas sur l'autoroute non plus. Non, c'est ça. T'étais à une heure au lieu d'être à une demi-heure, tu sais. Ouais. Ça y fait. Donc, c'est sûr, à y penser. Mais en tout cas, si vous voulez le produit, par contre, à la barrique, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, moi, je vous invite vraiment à aller vivre l'expérience là-bas. C'est ça, le plaisir de la barrique. On a toutes nos micro-brassées sont toutes là. Toutes là. 41-70 pour voir des forges à trois. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. François Madrid avec nous. On parlait en ronde de livres, de recettes. Qu'est-ce qui se passe? Là? Moi, je me suis perdu dans la discussion. Ça t'intéresse vraiment? Non, ça pourrait intéresser des gens, j'imagine. Non, on disait juste que... Il y a une nouvelle loi là, qui va passer, oui. Puis il n'y aura plus de livres moins chers au Costco. C'est ça. OK. Il va y avoir un prix minimum requis par la loi. Voilà. Ah, d'accord. C'est un prix unique, en fait. Partout au Québec, on paye le même prix dans n'importe quel magasin. Mais je pense que c'est une bonne chose. C'est pas tout les économies. Il faut aussi penser à la survie des librairies, parce qu'on s'entend que les grandes surfaces sont en train de tuer tous ces gens-là. Donc, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Good! C'était mon point éditorial. Ben, c'est dit, puis je pense que je suis bien d'accord avec toi aussi. Maintenant, on va parler de politique. Donc, on va s'entraîner, on va faire nos push-ups, nos jumping jack flash de pour essayer de bien comprendre tout ça, s'entraîner le cerveau. Donc voici Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Royal. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour Stéphanie aussi. C'est vraiment de l'exercice pour nos cerveaux, la chronique politique, parce que nous, on est vraiment des débutants dans ce sujet-là, même si on a ta chronique depuis 5 ans. Y a-t-il un niveau avant débutant? Inexistant. Fœtus. J'aime ça. Donc, on parle de politique et ton thème aujourd'hui, c'est ça sent le diesel des autobus électoraux. Oui, tu disais, on va faire de l'exercice pour ma chronique, oui. Mais non, on va prendre son pépère, on va prendre le bus. Hein? Ah, ben oui. Parce que ça sent. Respire, là. Ça sent le diesel partout au Québec. Il est bouché, là. Pauline Marois est en région depuis quelques jours avec ses ministres. 85 annonces seulement en Mauricie. Donc, des annonces d'investissement, des annonces de retour de politique, des annonces juste pour dire il fait beau dehors. Ouais, on applaudit. Et aussi des nouveaux candidats péquistes qui vont se présenter aux prochaines élections. Donc, habituellement, quand on fait ça, quand on débloque, dès qu'on desserre les cordons de la bourse, ça veut dire que ça sent les élections. Je sais, Mathieu, ça fait 52 semaines que je te ben, le dis. Ben, pas mal, hein? 50 semaines, ça enlève les fêtes, maintenant. Ouais, un congé des fêtes, ouais. Ouais, puis okay. L'été compte pas, t'es pas vraiment là. Non. Ça fait pas si longtemps que ça, finalement. Ça fait 2 semaines, je pense. Voilà. Bon, j'aime ça de même. Donc, je le répète encore aujourd'hui. Prépare ton 14 avril prochain. 14? Ah, oh, tu mets une date? Je mets une date. Parce que je pense pas que tu avais dit de date. Peut-être non, là, je me risque. Là, wow. Je plonge comme, tu sais, l'ancienne émission AV où ils ont retiré des ondes. Ben oui, c'est sûr. Laquelle? Ben, toutes sont vues. Toutes sont vues. Donc, taxe payant est le seul survivant du début de vie, ouais. Je pense. Donc, Mathieu, si sur ton téléphone intelligent, t'en as un. Ben oui, bon. J'en ai deux. T'as-tu l'application baromètre politique? Ben, attends un peu que je le sorte, là. Faut que j'y aille tout de suite. Est-ce que ça coûte de l'argent, ça? Je pense que non. Il y a déjà le mot politique dedans. Je penserais pas que tu l'aides. Je pense plus qu'il y a l'application de Valentine Marche ta poussière. Oui. Même ça, je m'en sers pas, t'imagines. Donc, admettons que tu aurais l'application baromètre politique. Ben, ton téléphone flasherait en rouge en permanence, puis il shakerait. Parce qu'il te dirait avertissement, campagne électorale en vue. Ça, okay. C'est clair. Donc, déjà vivre dans les dernières semaines, parce que j'en ai déjà parlé, évidemment, et Pauline m'écoute à chaque jeudi matin. Donc, elle s'est dit, si François parle de l'élection, je vais aller en élection. Les rumeurs de déclenchement hâtif d'élection ont gagné en intensité avec la publication de 2 sondages favorables au Parti québécois. On en avait d'ailleurs déjà parlé ici. La décision d'appuyer ou non sur le bouton Start Your Engine des autobus revient à la première ministre seulement et elle seule. Personne d'autre peut déclencher des élections pour elle. Seule, elle a le pouvoir de le faire. Donc, la politique n'est pas une science exacte, évidemment une chance. Sa pratique comporte une bonne dose d'intuition et d'audace. Mais il existe néanmoins une grille d'analyse des éléments favorables ou défavorables au déclenchement. Et c'est une grille d'analyse de ce genre que j'ai fait pour vous ce matin. Donc, on va y aller dans la thématique des autobus. Donc, feu jaune, feu rouge, feu vert. Wow. Okay? Bon, on va commencer par les feux verts. C'est habituellement, c'est le fond de cœur. On voit un feu vert, là, on pèse sa pédale. Hein? Donc, affronter une opposition faible et désorganisée. Oui, Jean Charest avait pris Mario Dumont et Pauline Marois de vitesse à l'époque. Idem pour Stephen Harper, qui avait profité de la désorganisation des libéraux de Michael Ignatieff. Mario Dumont, comme Michael Ignatieff, n'ont jamais pu démontrer qu'ils étaient prêts à gouverner lors du déclenchement des élections et n'ont pas pu ainsi mobiliser leurs troupes. Au Parti libéral du Québec, on reconnaît à mot couvert avoir perdu trop de temps sur la question de la périphérique à la Charte des valeurs, notamment sur le Tchadar. Hein, on en a parlé ici, Couillard, faut qu'il se positionne à un moment donné, Fatima Oudoua-Pépin qui a claqué la porte, etc. Plusieurs libéraux présentent maintenant Philippe Couillard, Philippe Couillard de passer en mode contre-attaque contre le gouvernement Marois. La problématique ici, c'est que Philippe Couillard ne siège toujours pas à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale recommence le 11 février seulement. Donc, s'il y a un déclenchement d'élections, si on retire les deux semaines de vacances qui sont déjà privées à l'horaire, pour, il commence à travailler le 11, puis il tombe en... Une semaine après, il tombe en vacances pour deux semaines. C'est le calendrier électoral, le calendrier de l'Assemblée nationale. Donc, Philippe Couillard pourrait siéger en tout et partout 6 jours à l'Assemblée nationale. Donc, en 6 jours, il faut que tu voles la vedette. Il faut que tu attires les foules vers toi. Il faut que tu montres que tu es capable, que tu es un chef. Faut que tu fasses quasiment un coup d'État ou, dans son cas, un couille d'État. J'essaie de faire un jeu moins de couillard. Non, mais j'aime ça, là. Ouais, c'est bien. Un couille d'État. Voilà. Donc, deuxième feu vert, c'est avoir un enjeu gagnant. La fameuse ballot question en anglais. M. Charest et Harper ont surfé sur l'importance d'un plan économique solide. Ça a été leur leitmotiv pour leur campagne littorale. Nous autres, on veut une économie forte au Canada, au Québec. Mme Marois pourrait tabler sur la défense de l'identité québécoise. On sait que c'est un sujet très cher aux yeux des péquistes, notamment avec la charte. Et hier, elle a sorti la carte de l'indépendance du Québec. Encore, elle l'a ramenée. Ah. Donc, elle va rameuter les petits nationalistes qui vont dire « Ah, le PQ, il est trop fédéraliste. » Là, elle va les rapatrier. Je pense ici à Option nationale qui avait quitté le Parti québécois, entre autres, parce qu'il ne parlait pas souveraineté. Donc, elle a dit « Je vous promets un livre blanc dans le prochain mandat. » Livre blanc, habituellement, c'est une feuille de route pour du point A au point B, en fait. Donc, autre avantage pour le PQ, la chaise du champion de l'économie, habituellement occupée par les libéraux, est vide et François Legault n'arrive pas à y prendre place. La CAQ arrive toujours troisième avec 16% des intentions de vote. Chez les libéraux, Bachand, j'oublie son prénom, l'ancien ministre des Finances, a quitté le Parti libéral. Il ne se représente pas, évidemment. Donc, il n'y a plus personne, il n'y a plus de tête grise, de matière grise chez les libéraux pour parler d'économie. Donc, il n'y a personne qui peut contre-attaquer Nicolas Marceau, ministre des Finances au Québec. Et la CAQ, par contre, a Christian Dubé, qui est un weirdo de l'économie. il est très fort, le gars, mais il arrive troisième. Donc, son temps d'antenne est moins grand et l'importance qu'on lui accorde aussi. Mais bon, l'opposition est pas divisée, mais disons absente. Troisième feu vert, un fonds de guerre suffisant et une organisation prête au combat. Après l'alerte électorale de l'automne dernier, les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale sont prêts. D'ailleurs, j'entendais Mme Saint-Amand, notre députée à Trois-Rivières, dire « Ma photo est déjà prête, mon local est déjà réservé pour les élections. » Elle est prête, elle veut en découdre. Elle ne sait toujours pas ce qui sont l'adversaire, mais elle est prête à en découdre. Donc, le PLQ et la CAQ ne sont pas au sommet de leur forme, malheureusement. Cet effet-là, à part Mme Saint-Amand, qui, elle... Go, hein? Une tendance favorable au sein de l'électorat. Deux sondages positifs ne font pas nécessairement une majorité, mais les chiffres sont tout de même encourageants pour le PQ. Après ce qu'on a entendu à la commission Charbonneau sur le possible deal entre Claude Blanchet, le mari de Pauline Marois, et la FTQ, et la mafia, etc., etc., bon. Et des bons de la FTQ, comme je le disais, avec Michel Arsenault qui témoignait la semaine dernière, il vaudrait peut-être mieux pour le PQ ne pas trop attendre la suite des témoignages. Donc, allons-y tout de suite, quitte à s'en virer de bord en campagne électorale s'il y a du dérapage là-dessus. Mais le juge Charbonneau a dit qu'elle commencerait bientôt l'intimidation sur les chantiers. Donc, il n'y aura pas d'impact politique. Donc, le deal avec Claude Blanchet, on ne pourrait jamais en entendre parler officiellement. Comment on dit, c'est... Chantièrement en désaccord avec ça. Chantièrement. Chantier. J'essayais. Autre feu vert, gagner des appuis dans les régions payantes. Pour les conservateurs, le but était de percer en Ontario, sans le Québec. Pas besoin du Québec pour gagner une majorité au Canada. Par contre, au Québec, la clé de la majorité se trouve dans deux régions, le 450 et la Mauricie. Ah oui, le 819. Yes. Yeah. Ouais. 819, c'est bien ça. Oh, non, Le temps que je traduise en matin. Je voulais faire plus ghetto, quand tu dis en anglais, c'est plus ghetto. Dernier feu vert, profiter du désir de stabilité de l'électorat. Jean Charest, je reviens à lui, et Stephen Harper ont su à leur façon faire passer leur message pour un gouvernement majoritaire stable et fort. On se rappelle les slogans de Jean Charest, les deux mains sur le volant. Hein? Donc, on le tient stablement. Ça se dit pas stablement, mais avec efficacité. Et Stephen Harper avait dit un gouvernement conservateur national fort et stable. Donc, oui. C'est le même concept. Mais j'aime beaucoup quand tu dis un slogan. Je sais que c'est une question d'accent, mais slogan, tu sais, ça fait comme genre pour les lents, là, tu sais. Ben, oui. C'est pour Jean Charest et Stephen Harper. Je trouvais que ça fitait bien. Un slogan. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. L'atmosphère semble propice. Donc, selon le CROP, la firme de sondage CROP, une majorité de Québécois est favorable à des élections hâtives. Et ce qui est tout de même surprenant après seulement 16 mois de gouvernement minoritaire. Ça fait 16 mois depuis la dernière élection, on se rappelle. Les électeurs en arrivent peut-être à la conclusion que la cohabitation mène nulle part à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a rien qui avance. Ou juge-t-on qu'il n'y a rien qui avance? Pauline Marois, quant à elle, pourrait fort bien arriver à la conclusion qu'elle n'a rien à gagner en attendant et qu'il vaut mieux déclencher plus tôt sur son propre enjeu que de se faire renverser plus tard. Ouais. Parce qu'un gouvernement minoritaire, ça veut dire que la majorité est à l'opposition. Mais comme ils ne font pas le gouvernement, ils peuvent créer une alliance temporaire pour renverser le gouvernement. Donc, sur chaque petite loi ou projet de loi qu'ils peuvent adopter, l'opposition peut les renverser. Et ça, c'est habituellement... C'est plate, c'est négatif, parce que tu ne contrôles pas l'agenda politique. Ouais. Mm-hmm. Là, déclencher des élections toi-même, tu imposes ton agenda politique. Donc, les autobus, les pancartes, les candidats sont déjà trouvés, tandis que l'autre sont en train de se courir dans le poulailler, tu sais, des poules peut-être, là. qu'est-ce qu'on fait? Il y a un feu jaune que j'ai trouvé. Donc ça, on ralentit, on pèse pas sa pédale, mais on met le pied près dessus. Donc, appui chez les électeurs francophones. À 42% d'intention de vote dans cette catégorie, le PQ améliore son score et distance le PLQ, qui est à 24%, et la CAQ, qui est à 19%. Parce qu'on sait que ça prend environ 40% de l'électorat francophone pour gagner le gouvernement. C'est selon les règles de statistiques, c'est ça. Ça prend environ de 33-36% pour gagner le gouvernement dans l'ensemble, mais chez les francophones, ça prend 40-42%. Et là, le PQ a le 42%. Donc, les stratèges péquistes doivent s'assurer de bien faire aussi dans la région de Québec et à Laval, en plus du reste du 4-5-0, comme je disais tantôt, pour remporter la majorité. Ici, en Mauricie, il y aurait 5 sièges. Il y en a déjà 2 qui sont occupés par des péquistes. Il en resterait 3 à conquérir. Donc, Masquinongé, Trois-Rivières et La Violette. La Violette qui est un château fort parce que c'est Julie Boulet qui est là. Les deux autres sont prenables. Donc, les PQ pourraient aller chercher 4 sur 5 en Mauricie. Avant que la chanson finisse puis que là, tu finisses pas de chaise. Oui! Oui. Comme le jeu de chaise extrême, là, Musique Plus, j'ai quoi? Ah oui! C'est Oh Sit! Ça, c'est un excellent jeu de mots en anglais. Hein. Oh Sit! Effectivement, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Au lieu de Oh Shit. Pour ceux qui n'avaient pas compris, les slogans. Les slogans. Donc, feu rouge. Feu rouge, ça veut dire qu'on met le pied sur sa pédale du break puis on bouge pas. Pas d'élection. Le taux d'insatisfaction. Tous les stratèges politiques vous le diront, après les intentions de vote, le taux d'insatisfaction de l'électorat envers le gouvernement est l'indicateur le plus important. Après des résultats peu enviables en 2013, la cote du gouvernement remonte, mais on compte toujours une majorité, 56%, d'insatisfaits envers le gouvernement. Au fait de mémoire, rappelons que le gouvernement Charest avait vu son taux de satisfaction grimper au cours de l'automne 2008 pour atteindre 61% en septembre et 59% en octobre. Au moment du déclenchement des élections, au moment du déclenchement, des chiffres qui feront l'envie de Pauline Marois, les répondants ont tendance à être plus sévères. Ma phrase se dit pas. Mais tout ça pour dire que le taux de satisfaction présentement, oui, est assez élevé pour d'insatisfaction, est assez élevé pour Pauline Marois. Okay. C'est pour ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que ça provient d'un sondage, toujours d'un sondage, et c'est d'un sondage Internet. Et quand on répond par Internet, on a tendance à être plus sévère. On est chez nous, derrière l'ordinateur, une main sur la souris, l'autre, tout ce que je veux pas savoir. Puis on clique, puis on... Tu sais, c'est les réseaux sociaux, puis Facebook, on est habitué de se masquer derrière une personnalité, derrière un avatar. Donc pareil pour les sondages. Quand c'est téléphonique, tu parles avec un être humain. T'es pas pour dire « j'aime pas Pauline ». Un avatar ou un avatardé. Excuse-moi, c'est pas politiquement correct du tout. Ah, vas-y. Oui. Autre sujet d'inquiétude pour le PQ, 2 Québécois sur 3 estiment que le gouvernement va dans la mauvaise direction, donc les 2/3. L'appui au projet de la Charte de la laïcité est stable, mais le sujet divise l'électorat et il serait douteux que le PQ puisse faire 35 jours de campagne uniquement sur ce sujet. Imaginez-vous, 35 jours de parler de la Charte, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jusqu'à l'an... faire des cauchemars. Le PQ, faudra qu'il trouve un autre sujet. La première semaine, ça va aller. Mais ensuite, il va falloir qu'il parle d'économie, de création d'emplois, des blablabla. L'an prochain. Et là-dessus, sur ce sujet-là, son bilan n'est pas très, très, très bon présentement. Très reluisant. Non, parce qu'il faut le rappeler, il avait promis le déficit zéro cette année. On va être dans le trou de 1,35 milliard. Tu sais, c'est arrondi. Pas loin. On peut scotiser gagne, puis on l'a. Là, avec les cents, ça monte à la pièce d'après. Puis... Ouais, c'est ça. Tu fais ça à chaque pièce jusqu'à temps que ça fasse zéro. C'est pas fou. Hey, hein, tu sais, un grand financier. Ministre des Finances, Mathieu, c'est ça tente pas? C'est ça. François-André, on te retrouve dans 2 semaines. Oui, 2 semaines. Pas la semaine prochaine? Non, parce que mon alma mater m'appelle. Ah oui? Ouais. Ah ben, c'est fancy, ça. Ouais. Hein. C'est du latin. Ouais. Je pense. Ouais, c'est du latin. Ça veut dire que mon université d'origine me rappelle. Oui, exact. Voilà. Merci, François Landry. Fait plaisir, Mathieu Plante. Chronique Logocratie 101, les jeudis à 8h30. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vais vous faire un petit top des 10 erreurs à éviter lors d'un premier rendez-vous. Messieurs, donc, peut-être faire attention, c'est la Saint-Valentin. Mais il y a des choses à ne pas faire. Premièrement, négliger son apparence. Hein? Vous avez raison, il est beau votre chandail de Johnny Cash, mais pas ce soir. Sortir avec le complet cravate, sortez au moins votre chemise propre ou votre polo d'occasion. Allez-y avec votre routine beauté, douche, rasage, un bon brossage de dents, anti-sudorifique et un peu de parfum. Moi, je vous dirais très, très peu de parfum. Et puis, même si je connais la plupart des femmes, soyez propre. Du parfum, c'est out. En tout cas, moi, je vous dis ça. Sinon, choisir un resto sportif, je pense pas, hein? Il dit ça, négliger son apparence. Non, donc les choses à ne pas faire. Si vous choisissez un resto sportif, hein, elle vous a laissé le choix du resto. Résister à la tentation d'opter pour la cage au sport, hein, qui présentera bien sûr le match des Canadiens. Hein. D'abord parce que c'est aucunement l'endroit pour parler, mais aussi parce qu'elle n'a pas le goût de faire compétition à un téléviseur de 60 pouces. Non, ça lui tente pas. Autre truc à ne pas faire au premier rendez-vous, surtout, arriver en retard. Planifiez tout à l'avance pour être certain de ne pas arriver en retard. Le temps requis pour votre routine beauté, le trafic, les réparations, trouver un stationnement, etc. Je vous suggère même d'essayer d'arriver 15 minutes avant l'heure du rendez-vous afin d'arriver avant elle. Les femmes n'aiment pas attendre. Elles préfèrent de loin se faire accueillir par le beau jeune homme que vous êtes. Hein? Ça, c'est une bonne idée, ne pas arriver en retard. Autre chose à ne pas faire, messieurs, jamais au premier rendez-vous. Premièrement, ne laissez pas votre cellulaire ouvert. Hein? De grâce, fermez-le. Je crois sincèrement que c'est l'instant le plus détesté de toute l'histoire de l'humanité. Jusqu'à quel point vos textos sont plus importants que cette belle soirée et cette future conquête. Un petit truc, messieurs, dès le premier instant, fermez votre téléphone devant elle. Elle verra qu'elle est importante à vos yeux et qu'elle compte pour ce soir. Hein? Exactement. Aussi, peut-être chose à éviter, aborder des sujets un peu trop délicats. Surtout au premier rendez-vous, hein, je sais que c'est pas toujours facile de trouver des sujets de discussion lors d'un premier rendez-vous. Bien souvent, quand ça clique, ça coule tout naturellement et vous voyez pas le temps passer. Il existe cependant quelques petites règles à éviter, donc pour éviter les malentendus. On évite premièrement la politique, la religion ou tout autre sujet qui pourrait nuire au bon déroulement de la soirée. Par contre, si tu parles jamais de politique ni de religion avec ta future conquête, peut-être que tu vas te ramasser avec quelqu'un qui pense complètement, mais complètement pas comme toi. Ils disent ici aussi on s'abstient de parler sexe. On ne veut pas savoir à la première rencontre que vous aimez ça par derrière. Peut-être. Peut-être pas à la première rencontre. À la deuxième, encore là, ça dépend toujours. Hein? Ce qui est aussi à éviter, messieurs, lors d'une première rencontre, éviter de cruiser ou de trop regarder la fameuse serveuse qui est trop cute puis qui vous fait des beaux yeux. Si vous faites ça, monsieur, je vous garantis que vous ne partirez pas. Vous partirez pas avec les deux, premièrement, et vous partez déjà avec 3 prises au bâton. Et on le sait très bien qu'elle est très belle, la serveuse, nul besoin d'en rajouter. Plutôt, ce tendre regard sur la personne qui est devant vous est beaucoup plus important. Autre truc à éviter, messieurs, lors du premier rendez-vous, eh bien, évitez de boire trop. Quelques verres, c'est OK. Ça rend la conversation plus facile. La soirée n'est plus que agréable. Par contre, boire trop crée l'effet inverse. Hein. C'est bon de garder une petite gêne sur sa consommation d'alcool afin d'éviter des paroles ou des gestes que vous pourriez regretter. Tu sais, quand tu te lèves, tu te dis « Pourquoi j'ai parlé de ça? Puis qu'est-ce que j'ai fait? » Non, évitez de parler de parler trop. De boire trop. Autre truc, évitez de parler de vos ex. Je sais ce qu'aurait pu... Je sais que ce point aurait pu faire partie des sujets délicats à ne pas aborder, mais je crois sincèrement qu'il mérite qu'on s'y attarde. Les gars, on le sait que vous avez un passé, mais vos anciennes blondes, ce n'est pas un sujet qui intéresse la petite nouvelle conquête lors d'un premier rendez-vous. Que votre rupture ait été difficile ou que vous ayez fait le tour du monde avec votre ancienne copine, que vous la trouviez folle ou qu'elle soit devenue votre meilleure amie, ça ne nous intéresse pas. On dealera avec ces histoires si la relation évolue. Mais pour l'instant, non, parlez pas des ex. Mais bon, ça arrive des fois, ça peut arriver, mais on essaie de pas. Hein? Aussi, ce qui est important, messieurs, évitez de trop s'emballer. Hein? La soirée est vraiment très agréable, vous avez du plaisir et vous sentez que ça clique. Tout à coup, elle devient la femme de votre vie et vous lui dites qu'elle serait la maman idéale pour vos enfants. Ouf, non. Il se pourrait d'ailleurs que ses paroles, eh bien, à ses paroles, elle se rappelle momentanément qu'elle est stationnée de façon illégale et qu'elle a oublié un rendez-vous. Aucun projet d'avenir lors du premier rendez-vous, sauf si c'est pour subtilement ouvrir une porte à la deuxième rencontre. Hein? Ça, c'est important. Pas trop s'emballer, tu sais, pas trop en montrer. Et dernier petit truc, messieurs, à éviter lors d'un premier rendez-vous hein, pour l'Halloween. Se montrer trop impatient ou agressif, oubliez ça. Hein. Le service est long, le repas n'est pas à la hauteur, c'est trop bruyant. Ce n'est pas le moment de bougonner. Vous passez une belle soirée, non? Faites que ces petits détails ne vous rendent pas agressif, car ces défauts sont difficiles à accepter chez une femme. Il y a vraiment pire qu'un resto moyen dans la vie. Tout à fait, il y a quelqu'un de pas agréable. En terminant, démontrez de la confiance. Sortez votre plus beau sourire et faites-la rire. Démontrez que vous avez de l'intérêt pour elle et pour ce qu'elle fait. Faites-la sentir unique. Vous aimez ce qu'elle porte, dites-lui. Évitez les pick-up lines clichés tels « ça a dû faire mal quand t'es tombé du ciel » ou « que tout va aller bien ». Hein? Donc, sur ce, bon deuxième rendez-vous, messieurs. Hein? On pourrait dire ça comme ça. Ici, moi, j'ai le goût d'aller vers ça, sérieux. C'est moi, je veux me faire plaisir. Je vous invite, messieurs, hein, là, si je parle aux messieurs, pour madame, je vous invite à aller voir ça. C'est les 10 petites culottes insolites à acheter en cadeau à madame. Première, eh bien, si vous êtes aventureuse pour 7,99 $, eh bien, c'est Adventure Time, je pense. C'est les petites bobettes Adventure Time. Eh bien oui, c'est ça, si vous êtes aventureuse. Pour être une vraie... les petites bobettes Adventure Time, c'est à 7,99 $. Les petites culottes pour être une vraie super-héroïne la nuit, c'est la petite culotte et jartelle Batman à 10,99 $. Sinon, parce qu'on ne peut pas passer de son... Parce qu'on ne peut se passer de son cube de compagnie. Je la comprends pas ici, cube de compagnie. OK. Ici, celle-là est très, très sympathique. C'est une petite culotte, vraiment magnifique. Et il est écrit, c'est important de se protéger à 16,95 $. Ce qui est le fun, c'est que sur le devant, eh bien, on a la petite... ce qu'on voit quand on se connecte, mettons, sur Facebook ou ailleurs, on a une place qui est écrit username avec ton username et ton password parce que la bobette est comme barrée. Hein? C'est-tu pas assez joli? Donc, la petite culotte est locké, qu'on pourrait dire. Donc, il faut mettre notre password et notre username. Mais tout ça, c'est sympathique. C'est juste imprimé. Là. C'est pas une petite culotte qui a un vrai password dessus. Une autre qui nous fait des fesses en face de renard, vraiment bien, à 44 $, très, très cher. Pour les geekettes d'astronomie, eh bien, une petite culotte qui brille dans le noir avec des constellations, des planètes et tout, c'est vraiment très sympathique à 17,99 $. Celle-là, bof, c'est un peu plus vulgaire, même beaucoup plus vulgaire. C'est un bijou qui est de style G-string en argent sous forme de fermeture éclair. Donc, vous comprenez un G-string, OK? Les petites languettes de chaque bord, les petites cordes. Mais où il y a le petit minuscule morceau de tissu qui finalement cache un peu le sexe, là, parce qu'on peut juste dire un peu avec un G-string, eh bien, c'est une fermeture éclair. Donc, on peut dézipper le G-string qui s'ouvre en deux. Déjà que ça cache pas grand-chose. En tout cas, hein? C'est cela. Une autre petite culotte qui est bien intéressante, c'est « Vous ne passerez pas ». Et ça aussi, c'est devant, là, un peu comme l'autre avec le password et le username. Eh bien, c'est « Vous ne passerez pas », on voit une grosse montagne. Et puis, c'est comme si dire « On vous lance le défi, finalement, monsieur ». C'est un peu ça. Sinon, il y a le « C-string » en léopard. Ça, le « C-string », c'est le nouveau genre de « G-string ». On l'a compris, c'est un « C ». Il n'y a pas les cordes chaque côté, c'est juste le petit « genre de tampon, quasiment, qui protège le sexe, en tout cas, hein. Et finalement, messieurs, si vous êtes à distance pour la Saint-Valentin, eh bien, je vous invite à acheter la panty, une petite culotte munie d'un petit genre vibrateur que vous pouvez contrôler à distance par le web à 73$. Eh bien, oui, c'était tout simplement inutile. Et puis, je vous invite à aller voir sur la page Facebook du Dîner de con. Ah tiens, on va rester dans le même domaine, je pense, on est là, et puis après on va quasiment se laisser avec ça. C'est des tombolas, des genres de concours où des prostituées sont données, ou en tout cas les services finalement, c'est pas des esclaves, mais c'est les services de prostituées sont donnés en gros lot. Très particulier. Donc, comment attirer davantage le public dans des maisons de passe suisses? Eh bien, en organisant des tombolas. Petite particularité, ce sont des passes qui sont à gagner, une pratique qui suscite l'indignation. Donc, c'est comme si tu gagnes, tu gagnes, mettons, une heure chez Samantha, la charmante et sexy péripatéticienne. Donc, ça fait longtemps que cette stratégie commerciale est connue. Depuis 2011, chez nos voisins Helvet, certaines maisons de tolérance du Tessin ont mis en place des tombolas atypiques destinés à appâter le chaland et à augmenter le chiffre d'affaires de l'établissement. Le principe est simple. À l'entrée du bordel, les visiteurs se voient remettre un ticket comparable à ceux que l'on achète dans les plus innocentes tombolas. Toutes les heures, un numéro est tiré au sort et au cours de ces soirées régulièrement animées par des stars de la porn, eh bien le gagnant du Premier Hot, c'est le nom du jeu, peut alors passer une demi-heure avec une alcôve dans une alcôve, avec une prostituée, un lot estimé à 150 francs suisses. Une pratique qui a pris de l'ampleur depuis cette pratique, dans ce canton du Tessin qui borde le lac Majeur. Eh bien, une telle enseigne que le Parti socialiste local a saisi en janvier que le gouvernement cantonal afin de prohiber ces pratiques commerciales jugées attentatoire à la dignité humaine. Interrogés par la presse suisse, les tenanciers des maisons closes et les pensionnaires défendent au contraire cette démarche. On peut comprendre, eux autres, ils veulent continuer de s'amuser comme ça. Hein? On peut le comprendre. Et puis, sinon, je vous ai mis sur la page Facebook du Dîner de con plein de choses vraiment très intéressantes. C'est des suggestions cadeaux. On a des câbles de luxe pour téléphone. On a des petits des rasoirs pour le corps, pour hommes. Hein? Ben oui, je sais pas à qui ça plairait, mais pas à moi. Intéressant, ici, une petite flasque avec un verre qui est intégré. Un petit réveil matin qui te fonce dessus quand c'est le temps de te lever. Un petit gris portatif pour les amateurs de plein air. Ça, c'est vraiment très, très le fun. Ça continue. Il y a plein de cadeaux, autant pour messieurs que pour mesdames. Et puis, c'est ça. Allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Je voudrais vous en parler. Il y avait un truc qui était très, très cool ici. C'était plein de façons d'ouvrir des bouteilles de bière. Mais comme le temps avance, j'ai pas le temps, je vais vous dire d'aller visiter la page Facebook du Dîner de con. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. On accueille Jean-Samuel Gay pour en savoir plus. C'est sa chronique PRNDS. Bonjour! Bon matin! C'est plein d'excitation que je viens vous voir un matin. Oui! Plein d'excitation. Absolument, ouais. D'accord. Peut-être fraîcheur aussi, semblerait-il. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, apparemment, qu'on parle de Porsche. Oui, de véhicules Porsche. J'ai été invité au Camp 4, littéralement le Camp 4, qui tient pour Traction Intégrale. J'étais invité là, j'ai été invité là à peu près 2 mois, donc ça fait 2 mois que... T'as hâte. Exactement. Je me suis acheté 2 calendriers de chocolat de Noël en ligne, puis là, je déballais, puis là, tous les jours, je déballais, puis je mangeais mon petit chocolat, puis j'avais hâte, puis je comptais les jours. Et c'est arrivé enfin, jeudi, vendredi dernier, c'était le 30-31 janvier 2014 que ça se tenait, donc... On allait au Camp 4. Le processus de tout ça, c'est d'aller essayer des Porsche sur de la glace avec des pneus cloutés. Donc, on passait toute la journée sur une piste glacée à vraiment tester les capacités des véhicules. Et c'était extraordinaire. Oh, un rêve pour toi, finalement. Pas un rêve. J'ai déjà fait des choses dans le genre, mais une activité très, très plaisante. Tu préfères le Camp 4 qui est juste à côté, le Camp Porn? Ou à place d'être des Porsche, c'est des poches? Un petit peu. C'est poche, hein? Ouais. Pas mon matin. Faut pardonner, pas mon matin. J'arrive pareil, Mathieu. T'as tous ses cuisses? Donnons-lui de la drogue. Non, ça m'encourage juste à être pire encore. Ouais, donc. Le Camp 4 qui était dans le fond, on était plusieurs journalistes qui étaient sur place pour essayer des véhicules Porsche et vraiment tester les capacités sur la glace. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est parce que. Porsche sont encore les seuls véhicules sur le marché, hormis la Smart, mais là, ça compte pas, mais c'est de côté. Ça s'appelle une voiture. Ils ont encore les seuls véhicules sur le marché avec des véhicules offerts avec le moteur en arrière des essieux arrière. Donc, la motorisation se place à l'extrême arrière du véhicule. Et ça, il n'y a aucun autre véhicule sur le marché qui offre ce genre de conception-là. D'ailleurs, Ferdinand Porsche a passé presque toute sa vie à essayer de trouver la configuration idéale. Ferdinand Porsche, c'est son nom? Oui. Fern. Wow. Fern. Fern. Oui, Porsche. Fern Porsche. Oui. Cool. Eh bien. Quel homme. Quel homme extraordinaire, d'ailleurs. Et vous remarquerez, les Porsche, au fil de l'histoire, il y avait des véhicules avec le moteur à l'avant, le moteur central et le moteur en arrière des essieux arrière, comme on a dans les 911 actuels. Et c'est impressionnant de voir ça sur la glace parce que t'as plus vraiment les mêmes lois gravitationnelles qui existent puis les mêmes lois frictionnelles qui existent sur l'asphalte. C'est assez intéressant, malgré les pneus cloutés. Donc, c'est avec le moteur central de la Cayman que ça se débrouillait le mieux, mais avec le moteur en arrière, ça avait beaucoup de fun et de plaisir, surtout avec la traction intégrale. On avait droit à 2 configurations de 911, traction intégrale et propulsion. Fait que propulsion avec le moteur en arrière, des essieux arrière, tout le poids est en arrière. Avec des pneus cloutés, est-ce que ça fait la différence de mordre plus ou ça n'a pas rapport? Puis... Ça fait une grosse différence sur la glace bleue. Tu as l'impression que tu conduis une voiture normale sur une surface qui est glissante, alors qu'en réalité, si tu sors du véhicule, tu mets le pied à terre, tu vas glisser. C'est sûr, c'est la glace bleue assez intense. Pur, là. Et eux autres, les gens à Mécaglisse sont là juste pour développer la belle glace qui est la plus glissante possible. C'est ça, okay. Leur job. Quand c'est un art. C'est ça. Quand tu mets une job de même à quelqu'un, d'habitude, il fait ça à coche. D'ailleurs, il y a plusieurs compagnies de pneus qui s'en vont à ce circuit-là pour tester leurs pneus cloutés et d'autres sortes de pneus. Donc, c'est un endroit qui est assez reconnu dans le marché. Et je suis amoureux. Sérieusement, vous irez voir mon Facebook. Très belle photo. Oui, j'ai vu passer quelques affaires. Ouais. Un événement extraordinaire. Charmant. Puis les véhicules Porsche, je trouve qu'ils sont faits pour l'être humain. T'embarques là-dedans, t'as l'impression que t'es comme quand t'arrives à un hôtel là, trop dispendieux pour ton budget, là, puis tu fais comme si c'était correct. C'était normal. Oh oui, moi je suis capable de me payer ça. Je cherche ma voiture que je viens d'emprunter de mes amis pour l'occasion. Et c'était tellement bien d'une Porsche. Là. Premièrement, les bancs ont un soutien extraordinaire, un confort incroyable. Et la conception intérieure, la conduite, le volant, tout est bien fait. Il n'y a jamais de moment où tu te dis « Ah, ça, c'est de la merde. Ça, le concepteur était gelé quand il a mis ça dans le char. Pis ça n'a pas de bon sens de mettre ça de même. » Non, Porsche, c'est rare que ça arrive. C'est juste du plaisir, pis c'est juste le fun. Puis là, tu vas te dire « Ouais, mais c'est sûr, un véhicule qui part à 100 000$, c'est aussi bien être le fun, aussi bien être divertissant, aussi bien, bien fait. » Mais tu sais, tu vas embarquer dans une Maserati, puis tu vas passer une demi-heure à essayer de faire fonctionner le radio. Il y en a pas, mais c'est tellement compliqué. C'est mal fait, des Maserati, sur la conception intérieure. Là, ils viennent de sortir la Ghibli. J'ai bien hâte de m'asseoir dedans pour voir comment c'est fait. Mais sinon, ça fonctionne pas. D'ailleurs, sur place au Camp 4, je me suis assis pour le souper la veille des essais. Puis en m'assoyant, je m'assois en avant de Romain Dumas. Qui est Romain Dumas? Ouais. Qui est Romain Dumas? Romain Dumas est le quadruple champion des 24 heures du Nürburgring dans la série LMP1. Et c'est le pilote officiel pour Porsche. OK. Donc, je vous explique. Les quadruples champions des 24 heures du Nürburgring, en partant, c'est impressionnant. Parce que les 24 heures du Nürburgring, c'est 24 heures de course sur le circuit le plus difficile au monde. Avez-vous vu le film Rush qui vient de sortir? Là, non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu. L'histoire de Niki Lauda, là, de vieux, une espèce de crash sur le Nürburgring en 1976. C'est un circuit qui est mythique, hyper complexe, hyper difficile. C'est hyper technique comme circuit. Puis tu fais 24 heures là-dessus. Pas de problème. Ah oui, 24 heures. Aïe, aïe. Ils sont trois pilotes à se relayer, mais quand même, ils pourraient être huit aussi. C'est quand même très éprouvant comme circuit. Puis lui, il l'a gagné quatre fois. Quatre fois. Rien que ça. Rien que ça. Mais ben, ça, faut pas absolument le réussir pour pouvoir se faire, mettons, faire un tatou, mettons, de ça. Non, absolument pas. Moi, je l'ai dit. C'est mon circuit préféré. D'ailleurs, je m'en vais là bientôt en mai. Je vais aller faire un petit tour en Allemagne pour essayer le circuit moi-même. Il loue des voitures. Je vais probablement prendre une Suzuki. Suzuki manuel. Tu vas faire une petite version d'une demi-heure, ouais? Non, ça fonctionne au tour. OK. Si je me trompe pas, c'est 24 euros par tour. OK. OK. Puis là, ça peut paraître cher parce que tu fais pas rien qu'un tour. Mm-hmm. Mais tu dis, non, 24 euros, c'est pas si cher que ça pour une activité. Ça t'en prend au moins un pour commencer à le tester. Après ça. Non, ça prend au moins 7-8 tours. Ah oui. Okay. Commencer à apprivoiser ce circuit-là. Là. C'est n'importe quoi. Là. OK. C'est 28 km de piste pour le circuit au complet, donc la portion nord et la portion sud. Et juste la portion nord, c'est 21 km. Ah ouais, OK, c'est gros. Là. Fait que 21 km, c'est de Québec à Neuville, de Trois-Rivières à je sais pas trop où. Probablement Trois-Rivières à Shawinigan. OK, ouais, exact. Ça, c'est juste à la piste. À la vitesse que tu veux, let's go. Fait que c'est d'après moi, je risque de faire au moins une dizaine de tours là-bas, là, sur le circuit. Ça risque d'être assez intense. Et d'ailleurs, ma copine qui nous écoute en ce moment, cette chère Evelyne, a décidé d'embarquer avec moi dans le véhicule. Donc, je vais prendre un véhicule avec une cage de retournement au cas où qu'on se mette à faire des tonneaux et qu'on se retrouve dans le bois. Mais ce qui est bien, au moins, c'est que tu vas pouvoir partager les freins en deux. Oui. Ouais, ça va peut-être pas. Ça. Non, c'est ça. J'ai dû apprendre. Mais d'ailleurs, sur le circuit, là-bas, il y a une porte qui a probablement été arrachée sur un véhicule ou qui a eu un accident. Que tu peux signer quand tu ramènes le véhicule de location sans avoir fait d'accident. Ah oui, OK. C'est comme le tableau quand t'as pas de carie. Là, oui, c'est ça. C'est pareil. C'est comme, bon garçon, oui, t'as ramené réussi, le véhicule en un morceau. Pas eu besoin de remorqueuse, de pince de vie, de mâchoire de vie. Ouais. Wow. Fait que, en même temps, ça implique que les gens sont vivants, donc ils aiment ça. Oui, c'est bon pour eux. Ça te montre que c'est possible de mourir pareil. Absolument, absolument. C'est pour elle. Et que la vie est si fragile. Ah oui. J'imagine une jolie blonde en ce moment dans sa voiture en train de paniquer en m'écoutant. Oui, Evelyne, évidemment, parce qu'il n'y a aucune autre femme pour toi, évidemment. Absolument pas. Je suis, je sais pas si c'est ça la question, je suis monogame. C'est voilà, fidèle monogame. Sauf pour les chars. Ah oui. Très polygame pour les véhicules. Mais je suis en train de commencer à vouloir me marier, à passer la bague autour du doigt de Porsche. Ah oui, OK. Autour de l'exhaust. Je sais pas, l'affaire en cylindre. C'est ça. Donc, c'est tout dans l'âme, ça. Ah oui, c'est... T'es tellement artificiel. Tellement. J'ai te demandé ton genre de voiture. T'sais, si, mettons, tu devais marier une voiture, ce serait quoi ton genre préféré? Ça serait... Ouais, mais ben, ça serait Porsche, mais laquelle? Je sais pas si ça serait Porsche, parce que là, ils sortent des grosses voitures. Le véhicule, selon moi, en ce moment, qui est disponible sur le marché, qui est le plus violent, qui répond à tous les besoins en termes de sportivité puis de tout ça. Qui est... Le véhicule qui roule le mieux en ce moment, c'est la Ferrari 458 italienne. Qui est le véhicule le mieux conçu qu'il n'y a pas. Mamma mia! Ah, c'est tout qu'un char. Mais là, il commence à sortir la 918 Spyder de Porsche, qui vient de battre justement le temps sur le Nürburgring. OK. Qui est le premier véhicule de série à le faire en moins de 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes? Ouais. Ensuite, c'est 2 minutes pour faire un tour de circuit sur n'importe quelle piste. C'est 7 minutes. Puis c'est tellement grand comme piste. D'ailleurs, c'est ce que je disais avec. C'est ce que je parlais avec Romain Dumas, qui est le quadruple champion sur cette piste-là dans la série LMP1. Il disait que tu peux rouler, puis là, tu sais, t'es malade, t'as l'impression que ton temps va bien, puis à un moment donné, oh, il se met à mouiller. Ah, fuck, bon, OK, je vais aller changer les pneus, mais là, tu reviens, ah, non, OK, de ce bord-là, il mouille pas. Il mouille plus. Ah, OK, bon, temps variable. Boum. Là, tu reviens, ah, OK, il mouille plus là, bon, OK, là, non, t'as peu, il se met à mouiller sur le deuxième tour que tu fais, puis ah! C'est tellement grand, en passant, il y a une montagne dans le milieu de la piste, okay, avec un château, là, puis c'est pas un château en Lego, là, c'est... Un vrai manoir. C'est gigantesque. Grand, ouais. Allez voir des photos sur Google, c'est Nürburgring, c'est fait en plein milieu de la forêt. allemande qui, sérieusement, ça s'appelle l'Enfer Vert. C'est une espèce de tracé qu'ils ont fait au milieu d'une forêt. Puis c'est gigantesque. Ah, c'est allemand. Ah, c'est allemand. Ah, c'est allemand. Ah, c'est allemand. Et comme dit Vince dans les infopubs, tu sais, quand c'est allemand, on sait que c'est bien. Hein? C'est bon. Oui. Il disait ça dans les infopubs. Ah ouais? C'est allemand. Puis on sait que les Allemands font rien que des bonnes affaires. Mais c'est vrai. C'est ça. Faire les heures juives. Ouais. Non? Ah? Ouais. Non? Et c'est ça. Cette semaine, on en essaie le Hyundai Tucson. Okay. OK. Que je trouve intéressant. Que un peu ça me dit rien. C'est un nouveau genre. Non, ça fait quelques années, je dirais peut-être une quinzaine d'années que c'est sur le marché. Hyundai Tucson qui est un petit VUS compact, un multisegment compact, qui est l'équivalent dans le fond de la plateforme de l'Elantra avec la forme d'un camion. Donc si vous voulez, c'est la même plateforme dans le fond qu'ils prennent, c'est les mêmes dimensions que l'Elantra. Puis c'est d'ailleurs ce qui caractérise le format multisegment. C'est une voiture avec une forme de camion, comme on a là. Et je le trouve un peu laid. Je trouve qu'il a l'air d'un espèce de petit empoté. Je trouve qu'il a l'air d'un hippopotame bébé qui n'a pas encore eu ses pattes et son agilité. Il est comme... Tu sais, t'as des Forester, de Subaru, t'as des Mazda CX-5 qui arrivent, qui sont comme bien assumés, puis qui ont des formes bien réparties. Mmh. Lui, il est comme becky. Il est pas trop sûr, puis... Ouais, c'est comme le petit gros qui est à la veille de devenir quelqu'un d'important, puis... parce que trop tout le temps sollicité, finit par se développer et devenir un grand athlète, tu comprends? Oui, c'est une bonne analogie, vraiment. Oui. Génial. Ben, c'est un peu ça que je reproche au Hyundai Tucson. Sinon, l'intérieur est irréprochable, comme tous les véhicules Hyundai. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est de la merde? Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi, j'ai eu de la merde avec un Hyundai, fait qu'oublie ça, c'est du trouble, puis ça sert à rien, puis faut pas écouter son beau-frère. Des petits moments où il faut être un petit peu plus impartial. Pour ce qui est de Hyundai, c'est pas les pires véhicules, mais c'est pas les meilleurs non plus. Si jamais vous magasinez pour un petit véhicule comme ça, moi j'ai préféré le CR-V, le RAV4, le Forester, puis même à la limite le CX-5 que je placerais peut-être dans la même catégorie que celui-là. Mais tous en haut de celui-là. Ouais, quand même, parce qu'ils vont offrir une meilleure fiabilité à long terme. En général, peut-être que vous allez en avoir un qui va vous durer plus longtemps puis que vous me traitez de menteur en ce moment, c'est possible. Mais en général, selon les statistiques, un Hyundai Tucson va vous durer moins longtemps. Puis en plus, il y a toujours un taux de dépréciation qui est plus élevé. Donc, il perd de la valeur plus rapidement aussi. Un Honda CR-V, un RAV4 puis un Forester, c'est des véhicules qui, en général, vont avoir la durée de vie la plus longue, que les pièces vont coûter le moins cher, que la suspension va durer longtemps. Et surtout, les freins. Tu sais, des fois, suspension, freins, c'est plate quand on a besoin de changer ça assez régulièrement. Donc, les trois véhicules que je viens de nommer vont vous assurer une fiabilité à long terme. Là, si vous en avez un, puis vous dites que vous venez de changer les freins, c'est possible. Ça se peut. Ça brise. C'est des véhicules. C'est de la mécanique. Donc, ça se peut que ça brise. Mais en général, la plupart du temps, ces véhicules-là vont être plus fiables. Et le Tucson et le Sportage de Kia sont dans la même catégorie, puisqu'ils sont frères et sœurs. Je dis pas qu'ils sont en relation de couple. Je dis juste qu'ils viennent des mêmes racines. Donc, okay. Ils se promènent pas au clair de lune main dans la main. Non, non. C'est Hyundai et Kia, là, leur association, c'est un peu comme un monstre à deux têtes. Okay. Dans le fond, ils ont deux idéologies différentes, mais l'argent va dans les mêmes poches. Ah, okay. C'est un peu genre le couple Rogers-Fido, je pense, c'est ça? C'est la compagnie de téléphone, mettons? Ça serait même propriétaire, mais pour deux marchés, si on veut, différents. Exactement. Okay. Ça permet d'avoir un meilleur développement, ça permet d'avoir une conception différente, mais de partager les mêmes technologies. C'est vraiment idéal. Oui, les gens ils ne savent pas que c'est la même compagnie. Donc non, en général, oui. En général, Marc Corian, okay. Oh, il y a beaucoup de gens qui ne se cachent pas. Okay. De toute façon, je viens de le dire big time publiquement pour ceux qui ne le savaient pas. Okay. Oui, c'est ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que Hyundai s'est développé à un certain moment, il y a à peu près 5 ans, puis a fini par apporter des produits intéressants, très solides, qui ont fini par me charmer, puis que j'ai trouvé vraiment cool parce qu'ils avaient perdu mon respect Hyundai avec les années. J'étais comme, ouais, c'est ça, t'sais, bonne chance. Puis continuer d'essayer fort. Je vais continuer de vous insulter jusqu'à la fin de mes jours. Et finalement, ils ont réussi à me regagner depuis à peu près 2009 en apportant des produits de qualité. Et j'avais délaissé Kia, que je me disais, bon, ben, vous relèverez pas, puis c'est correct. Puis Hyundai va faire son petit bout de chemin, puis on espère que ça va bien aller de ce côté-là. Mais qui a engagé un designer chez Audi qui s'appelle Peter Schreyer, et depuis qu'ils l'ont engagé, offre des produits très, très sharp. Et par sharp, je veux dire, bien défini, d'une belle qualité et qui a su conquérir mon cœur de nouveau aussi. C'est une espèce de triangle amoureux finalement. Je me dis polygame, c'est de la marge. Avec un frère et une sœur en plus. Hey, oui, oui. Mon Dieu. Non, avec deux sœurs, pardon. Deux sœurs, okay, ouais, oui. C'est deux Coréens. Ah, OK. Oui, c'est pas qu'on allait en apprendre autant à son sujet, mais... Ah, ouais. On a ça sur cassette. C'est ça, sur cassette. Je vous permets de m'enregistrer, je suis vraiment zo coréenne. Ah bon. Ben, tant mieux si tu t'assumes. T'sais. Absolument. Fait que Kia qui fait un bon bout de chemin et qui m'impressionne beaucoup. Et le Tucson, qui n'est pas mon véhicule préféré, mais que je trouve que si vous voulez acheter un véhicule qui n'est pas trop cher, idéalement, comme je vous dis toujours, usagé, puisqu'il y a un gros taux de dépréciation, vous ne serez pas trop perdant. Cependant, un gros cependant, si vous avez une remorque, roulotte, un trailer, n'importe quoi que vous voulez traîner à l'arrière, n'oubliez pas que si vous ajoutez l'espèce de boule qui va pour remorquer, que vous pliez le frame de votre véhicule, eh bien ça, c'est pas garanti parce que c'est un accessoire que vous ajoutez au véhicule. Et ça peut vous permettre de vous faire... Est-ce qu'on peut dire enfourner? Enfourner, enfourner, oui. C'est poli. Pas de la classe, hein? Plus que le mot initial qu'on utilise à tous les jours. C'est ça. Donc, vous pouvez vous faire enfourner dans ce genre de... Aussitôt que vous ajoutez des gadgets sur votre véhicule, ça peut bien arracher le toit. C'est le gadget qui a fini par faire... C'est pas la faute du véhicule, c'est la faute du gadget. Et voilà. Et voilà. Que vous c'est qui a demandé de mettre le gadget? C'est toi. Puis ça, c'est même si tu le fais ajouter par ton beau-frère ou par la compagnie, il s'en sac. Là. T'as pas la garantie là-dessus. Là. Fait que soyez prudents. Vérifiez les capacités de votre véhicule à remorquer les charges, à traîner des charges. Puis ensuite, amusez-vous. La vie est belle après ça. Bon. C'est noté. Absolument. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui, si tu veux, j'allais te le demander. La semaine dernière, j'ai essayé la Hyundai Sonata. Je vous avais parlé en pensant que l'Elantra était tombée numéro 1 au niveau des ventes devant la Civic. Eh bien, j'ai essayé la Sonata la semaine dernière, qui est comme sa grande sœur. Dans le fond, elle est un petit peu plus grande, berline. Plus grande, OK, blonde un peu. Puis... Non, elle était mauve. Ah, oh, quand même, j'aime ça. D'ailleurs, couleur de merde, c'est quoi votre problème de faire des mauves? Y en vends-tu vraiment des couleurs de même? Voyons, un bleu qui tire sur le mauve, tu sais, t'es comme la moitié de ce que tu voudrais. T'es pas loin d'avoir une belle couleur d'automobile, finalement, pas en tout. Fait que... ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont ajouté cette année la conduite électrique. Dans le fond, tu peux contrôler la pression que sur ton volant, de intense, sportive et à confort. Ouais. Puis ça, c'est pas le fun. Ça enlève toute la précision, ça enlève tout le plaisir de conduite quand on enlève le côté mécanique à la conduite. Fait que j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Sinon, consommation d'essence, 7,2 litres au 100, qui est très bien en passant, qui est extraordinaire, qui est moins qu'une Civic. Si vous voulez un exemple, un bon F-150, ça va être des alentours de 20-21 litres au 100. Fait que 3 fois moins qu'un F-150, capitaine! Je sais pas à quel point tu t'en sers de la boîte en arrière puis de ta traction intégrale et de tout ça, mais moi, je consomme 3 fois moins que ton véhicule. Fait que... T'en coûte 3 fois moins cher? Ben c'est ça, sûrement. Ben j'essaie de me rallier, j'imagine qu'il y a pas grand monde qui nous écoute avec un pick-up à matin. Ah! Ben ça... D'ailleurs, on essaie le RAM diesel bientôt. J'ai tellement hâte, ah ouais. Ami pick-upien. Oh, il a pas l'air d'aimer ça. Non. Sinon, on te lit dans Zone Campus aux 2 semaines. T'as un numéro qui sort la semaine prochaine. Ouais. Pour l'instant, on est encore sur celle avec les meilleurs vendeurs et tout ça. Le fait que le Canada... Cette semaine, oui, effectivement. Ouais. Puis le prochain numéro, ça va être sur Amigo Express. Cool. Tellement le fun, Amigo Express. On aime ça. Système de covoiturage, des petites histoires. T'embarques avec un étudiant en médecine, une avocate. T'embarques avec une grand-mère qui a des biscuits tout le temps. T'as fait, tu penses ce que tu dis. Tout le temps, des univers le fun, sympathiques. Et en passant, ils ont tapé les 150 membres récemment. Fait que, sérieusement, Amigo Express, rien à redire. Pour ceux qui ont utilisé Allostop déjà une fois dans leur vie. Non, vous n'avez jamais utilisé Allostop? Non, ni l'un ni l'autre. Quel système à développer. Ah oui, c'est pas pareil. Non, c'était vraiment mal fait, Allostop. Puis Amigo Express, ça vient pallier tous les besoins qu'on a. C'est très bien fait, donc vous pourrez lire ça dans le prochain Zone Campus. Et j'avais offert un numéro écrit sur les fellations en voiture. Eh bien, ça va venir dans 2 semaines, inquiétez-vous pas. J'ai besoin d'encore un petit peu de développement, faut que je me pratique. Ouais. À écrire, je parle. Oui. Le reste, ça va. On se rappelle que tu nous en avais parlé la semaine passée à l'émission, donc allez retrouver la balado de l'émission de mardi passé pour en savoir plus là-dessus. Sinon, on te retrouve mardi prochain à 7h30 pour une autre chronique PRNDS. Seulement, je vous invite à aller voir le Facebook, facebook.com/prnds.net. Je vais le mettre sur le vôtre, tu sais, en même temps. On a une vidéo qui vient de sortir cette semaine sur la Fiesta et la Jetta. Cool. Cool. Vraiment très, très fun. Tu voulais qu'on donne ton numéro de téléphone aussi, hein, je pense, c'est ça? Ah non, pas... Non, ça va, pas besoin. Je suis tanné que tout le monde appelle. Dans la nuit. C'est fatiguant, ça. Et maudit. Jean-Samuel Gué, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Pourquoi les avocats ne sont encore là que par anomalie de l'évolution? Parce qu'on apprend que l'avocat est l'un des plus grands anachronismes écologiques de l'histoire. En effet, ce fruit aurait dû disparaître, semble-t-il, il y a plus de 13 000 ans. Assez particulier comme nouvelle quand même, hein? Donc l'avocat, comme les autres fruits, doit son existence par la dissémination de ses graines, le vent, l'eau ou les animaux permettant sa dispersion à l'échelle planétaire. Mais le cas de l'avocat est bien particulier. Ce fruit est censé ne plus être présent sur Terre. En effet, l'avocat est un fruit d'un autre temps. Un véritable mystère écologique, comme le montre cet article publié sur le blog du Smithsonian. La plante a été repérée pour la première fois durant l'ère Cénozoïque, qui a débuté il y a 66 millions d'années. C'est assez vieux, un avocat, hein? Et à cette époque, l'avocat était particulièrement désiré par la mégafaune, à savoir l'ensemble des espèces animales de très grande taille. Ainsi, les mammouths, les paresseux géants et d'autres mammifères d'importance raffolaient complètement de ce fruit. Habitués à parcourir de longues distances, ces animaux ont donc favorisé l'implantation de l'avocat sur tout le continent américain. En effet, en déféquant, ces animaux semaient un peu partout les graines et permettaient donc la naissance de d'autres avocatiers. Mais les grands mammifères de cette époque ont disparu depuis au moins 13 000 ans. Plus précisément, à cette époque, 68 % de la mégafaune d'Amérique du Nord et 80 % de celle de l'Amérique du Sud succombaient au changement climatique. C'est ce que note Coney Barlow dans son livre « The Ghosts of Evolution, Nonsensical Fruit, Missing Partner and Other Ecological Anachronisms ». Mais même avec ce changement majeur de population, l'avocat nécessite toujours la même méthode de dispersion des graines. Sa présence actuelle constitue donc un anachronisme évolutif. Sans les grands mammifères comme les paresseux pour transporter des graines sur de longues distances, les graines d'avocat auraient dû pourrir là où elles étaient tombées, affirme Coney Barlow. Car si un fruit avec des petites graines comme la baie peut être consommé en entier et donc dispersé par ces petits mammifères, ce qui les rend donc les chances de fructification dans un nouveau lieu beaucoup plus élevé, ce n'est pas du tout le cas de l'avocat, hein, mais quels animaux ont donc permis à l'avocat de perdurer? Entre le jaguar, les souris et les écureuils, plusieurs hypothèses sont avancées par Coney Barlow dans son étude « Hunting the Wild Avocado », initialement publiée sur Biodiversity. Le fait que l'avocat existe encore dans la nature est donc un grand mystère. Mais depuis que l'homme s'est mis à le cultiver, le fruit a eu la chance de prospérer à nouveau. Mais l'écologiste et biologiste Dan Jensen a mené des enquêtes dans les années 70. Un certain nombre de recherches sur cette question. Il a prouvé que l'avocat n'est pas le seul fruit anachronique. Ses travaux, essentiellement basés sur le continent américain, montrent que la papaye, l'anone, la sapote et d'autres fruits charnus de ce genre sont dans le même cas. On pourrait dire aussi peut-être la mangue, hein, parce que c'est une graine qui est immense. Et puis, c'est pas nous qui est équipés pour la bouffer d'un coup quand même. Alors, la nouvelle est vraiment, vraiment bien intéressante. On apprend tout le temps. Ici, Prosthesis, le projet incroyable qui permettra de faire des courses de robots. Oui. Donc, l'image a tout de la machine... Ah oui, OK. Donc, à l'image, eh bien, elle a tout de la machine militaire géante d'Avatar, mais pourtant, le projet est bel et bien en passe de devenir une réalité. Un groupe d'ingénieurs canadiens travaille en effet à l'élaboration d'un anti-robot pilotable par l'homme, conçu par des humains et pour les humains. À l'origine de cette entreprise ambitieuse, il y a Jonathan Tepet, un artiste et ingénieur qui s'est spécialisé dans la construction de robots. Il y a plus de 7 ans, avec son équipe composée de aussi bien de professionnels que de bénévoles, cela fait 3 ans qu'il tente de mettre au point un robot quadrupède qu'il a nommé Prosthesis. Son but, c'est pouvoir à terme faire s'affronter des machines dans une compétition. Je ne comprends pas qu'un championnat de robots méga pilotable méca pilotable, pardon, n'existe pas encore. Nous avons déjà fait des courses avec à peu près toutes les technologies mobiles existantes. Mais où sont donc les robots de course, s'interroge le chercheur relié par le site Humanoids. Exosquelette culminant à plus de 5 mètres de hauteur, prosthésis pèserait 3500 kilos. Une fois terminé, il pourrait atteindre jusqu'à 30 kilomètres. Pour le faire fonctionner, le pilote n'aura qu'à se glisser dans la combinaison et chaque mouvement qu'il fera étant immédiatement imité par la machine. Et pour rendre le tout encore plus réaliste, il pourra même ressentir les chocs que le robot doit subir par l'intermédiaire d'un système de suspension qui reproduit proportionnellement les forces exercées. Prévu au départ pour être opérationnel d'ici 2015, le projet pourrait avoir un peu de retard en raison du coût élevé des matériaux. L'équipe de chercheurs a d'ailleurs lancé une campagne de récolte de fonds en janvier sur le dernier site Indiegogo, pareil comme Kickstarter, et 27 000 euros avaient pu être récoltés sur moins que l'objectif annoncé des 100 000 $, mais suffisamment pour passer à l'étape supérieure du développement, assure Jonathan Tippett, qui est à la tête de ce projet. Allez voir ça. Peut-être que même ça vous intéresse d'aider au financement. On a quand même 27 000 euros de trouver à date pour ce projet assez ambitieux, on pourrait dire. Et tiens, on s'en fait une petite dernière. Oui, tiens, on va finir avec Sochi. On parle du repère de Staline. Bienvenue dans la villa du petit père vert des peuples, nous dit-on. En 1936, le dirigeant soviétique y avait installé sa résidence d'été. C'est aujourd'hui un lieu prisé où les touristes peuvent passer la nuit. Donc, ça en fait un hôtel, finalement. Peut-être un hôtel qui, celui-là, est un petit peu plus efficace que ceux de Sochi. Donc, les Jeux olympiques de Sochi débutent ce vendredi. L'occasion de revenir rapidement sur l'histoire de cette ville située au bord de la mer Noire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Sochi est intrinsèquement liée à Joseph Staline. En effet, c'est sous le règne du dirigeant soviétique que ce qui n'était à l'origine qu'un petit village caucasien, comme il y en a des milliers, est devenu une station balnéaire incontournable pour les prolétaires russes. En effet, Staline y est venu dès 1920 soigner ses rhumatismes et ensuite il a fait construire sa résidence d'été en 1936. Et qui dit lieu de villégiature de Staline dit amélioration des infrastructures pour embellir la ville. Le développement est tel que Sochi est rapidement surnommé la Riviera russe. Aujourd'hui, Sochi demeure une ville appréciée des Russes. Même Vladimir Poutine y vient régulièrement en séjour. Mais Sochi reste très attaché à Joseph Staline car plus de 70 ans après y avoir fait construire sa datcha, celle-ci est désormais un musée prisé des visiteurs, comme l'indique Reuters, relayé par le Business Insider. Et pour quelques centaines d'euros, il est même possible de dormir une nuit dans les somptueux appartements du petit père des peuples. Et selon le Figaro, lors de la construction de la villa, tout avait été imaginé pour convenir au mieux à Staline, et notamment à sa petite taille. Ainsi, la piscine ne fait que 1,50 m de profondeur, hein, parce qu'il était trop petit et il ne voulait pas se noyer, c'est sûr. Il y a une statue de cire qui représente Staline, qui est affreuse, digne du musée Grévin, c'est ça, à Montréal, là, où tout le monde est laid et puis ça ressemble pas du tout. On nous dit Joseph Staline était un amateur de billard, donc il y a une belle salle de billard, toujours selon le Figaro. Celui-ci a été rebaptisé pour que le dictateur puisse y jouer sans gêne. Était un grand amateur de billard, toujours selon lui, il a été rabaissé. OK, c'est ça, parce qu'il était petit, la table de billard est plus basse aussi. Alors, allez voir les images, c'est très beau. Et c'est des coins qu'on n'a pas souvent d'image. Hein. La Russie, c'est quand même assez austère et fermé pour nous, Américains. Parce que, ben oui, on est des Américains du Nord, vous le savez. Cette fois-ci, on parle des hôtels à Sochi qui réservent quelques surprises. Quelques peut-être mauvaises surprises, mais bon, hein, on en jase tout de suite. Donc, le village olympique de Sochi fait beaucoup parler de lui, et même nous, on en parle. Il y a deux semaines, la photo de deux cuvettes de toilettes dans une même pièce a fait le tour du web. Hier, même chose, toilette fan. Hein. Certains Russes en avaient alors profité pour dénoncer la corruption qui avait entaché l'organisation des Jeux. Alors, le coup d'envoi des premières épreuves va être donné jeudi 6 février. Les journalistes arrivés sur place ont quelques griefs contre l'organisation, ce qu'ils n'ont pas manqué de remarquer sur Twitter. Hein, et ça a tweeté en masse. Seuls 6 des 9 hôtels destinés aux médias sont prêts à recevoir les clients. Donc, ils se tirent un peu dans le pied quand même. Mais bon, Donc, il savait déjà que les gens, surtout des journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils rapportent la nouvelle. Alors, en partant, si tu leur offres des hôtels où il manque des affaires, c'est sûr que les journalistes, ils vont mettre l'emphase là-dessus. Hein? Ben oui, c'est comme ça. Donc, les hôtels sont encore en construction. L'eau, s'il y en a pas, s'il y en a, eh bien, elle n'est pas potable. Un photographe allemand a déclaré auprès de l'AP que ce week-end, il y avait des chiens errants et des ouvriers dans son hôtel encore. Donc, je vous envoie quelques tweets qui ont été faits ici. C'est Harry Ricky de CNN. Il nous écrit dans son tweet... CNN a réservé 11 chambres dans un hôtel de Sochi il y a 5 mois. Cela fait un jour que nous sommes sur place et une seule chambre est disponible. Hein? Ça commence de même. Sinon, on a encore M. Ricky qui dit « Voici la chambre d'hôtel que Sochi 2014 nous a donnée. Pour le moment, c'est la pagaille. » Donc, il y a des rideaux. Les pôles de rideaux ne tiennent pas. Ça a l'air vraiment le bordel total. L'autre ici, voici la chambre d'hôtel, donc c'est ça. Sean Walker, elle, c'est une dame, je pense, qui dit « L'hôtel de Sochi n'est pas vraiment fini et il n'y a pas de trace de ma réservation. Je vais aller au bar pendant qu'il règle ça. » Et là, tu vois une machine Coca-Cola, tu sais, de boisson Coca-Cola, pas montée. La pancarte Coca-Cola est comme à l'intérieur de la machine. La machine est complètement vide. Il n'y a aucun produit. Et tu vois la dame qui tweet son histoire. Et ça me semble vraiment... ça me semble Beyrouth. Donc, ici, Sean Walker qui continue. « J'attends toujours pour que la préparation de ma chambre d'hôtel finisse. J'espère que ça veut dire qu'ils font des origamis avec le papier de toilette et pas que, par exemple, ils sont en train de mettre un toit sur la chambre. » Je suis bien d'accord avec Sean Walker. Finalement, elle dit dans son autre tweet quelques heures plus tard, parce que son premier tweet était sorti à 3 heures du matin, OK? C'était l'hôtel, il n'y avait pas de chambre. À 5 heures du matin, elle attendait toujours sa chambre. Et ça a l'air que sa chambre était en préparation. Et finalement, à 7 heures le matin, donc beaucoup d'heures plus tard, hein, eh bien, elle dit « j'ai une chambre, mais pas de chauffage ou d'Internet, mais au moins, il y a un lit. » Donc, la fille va pouvoir se reposer un petit peu. Sinon, il y en a un autre ici de CTV qui dit « La rupture d'une canalisation signifie qu'il n'y a pas d'eau dans notre chambre d'hôtel à Sochi. Les réparations pourraient prendre un certain temps. » Et un autre, il nous montre « La réception de notre hôtel n'a pas de sol. » La réception de notre hôtel à Sochi n'a pas de sol. Donc, il n'y a pas de plancher, OK, à la réception. Mais il ne faut pas oublier, sur le comptoir, on a mis quand même cette photo qui est très accueillante. Donc, sur le comptoir de l'hôtel, eh bien, on a une photo de Vladimir Poutine. Ça, c'était très, très important de la mettre sur le comptoir, mais on n'a pas mis de plancher. Un autre nous marque « Tu me manques eau chaude de mon hôtel, tu étais super. » Ça dit tout. Un autre journaliste nous dit « Mon collègue journaliste a perdu la clé de sa chambre d'hôtel. L'hôtel n'avait pas de double, donc au lieu de lui donner une nouvelle clé, eh bien, ils ont démonté la porte entière. » Pourquoi pas? De toute façon, les gars qui construisent, les constructeurs sont encore là, sont sur le chantier. C'est hallucinant, mes amis, là, ça ne finit pas. Il y a des exemples comme ça, je pourrais vous en dire. L'autre ici, ma lampe est tombée à quelques centimètres de mon lit lors de ma deuxième nuit à l'hôtel. Donc, la lampe du plafond en verre, eh bien, n'a pas tenu. Elle a cassé, tout simplement. D'autres, les gens m'ont demandé ce qui m'avait plus surpris ici à Sochi. Eh bien, c'est ça, sans aucun doute, c'est ça sur la fichette. Ne mettez pas de papier dans les toilettes, mais dans la poubelle prévue à cet effet. Donc, quand tu t'essuies, là... Tu mets pas tes papiers dans la toilette, tu les mets dans la poubelle. Ça va d'être dégueulasse et imaginez ce que ça va sentir. C'est hallucinant. OK, donc mon hôtel n'a pas encore de réception. Donc ici, l'hôtel est là, mais il n'y a pas de réception. Donc comment tu te fais dispatcher ta chambre, tu le sais pas. Pour ceux qui se posent la question, quand il n'y a pas de réception dans votre hôtel, vous faites votre check-in dans la chambre du propriétaire. Aïe aïe, ça c'est le même qui nous disait ça une heure plus tard parce que finalement il a fait son check-in dans la chambre du propriétaire de l'hôtel. L'autre nous dit « Mon hôtel n'a pas d'eau. Si elle est restituée, la réception précise, ne l'utilisez pas sur votre visage car elle contient quelque chose de très dangereux. » Donc, si l'eau arrive finalement, vous êtes mieux de ne pas la prendre. Elle est très dangereuse l'eau. Imaginez, là, c'est hallucinant, c'est le monde entier qui est tourné vers Sochi. L'autre, l'eau m'est revenue, est à peu près revenue. Voyons le bon côté des choses. Je sais maintenant à quoi ressemble de l'eau qui est dangereuse pour le visage. Et là, il nous montre une photo. Cette dame, pardon, c'est une dame qui nous montre des photos des verres. Et puis, je vous le dis, on dirait de la bière, finalement, qui est dans l'eau. Très, très voilée, jaunâtre. C'est pas joli. Un autre journaliste ici, toujours le bon côté des choses, je me suis lavé le visage avec de l'Evian, comme si j'étais une Kardashian ou quelque chose dans le genre. C'était la même là, qui nous mettrait ça. Ici, un autre journaliste, je me suis fait un ami de la presse. Alors que nous tentions de trouver l'hôtel, quand nous sommes arrivés à nos chambres temporaires, sa poignée de porte lui est restée dans la main. Donc, des gens de la presse, ici même à Montréal, sa poignée de porte reste dans la main. L'autre nous tweet, c'est la première fois que j'attends une chambre d'hôtel parce que sa construction n'est pas encore finie. La salle de bain n'est toujours pas faite. Il est 2h25 du matin. Imaginez, vous arrivez dans votre chambre, il n'y a pas de salle de bain, ils sont en train de la construire. À toute personne qui se trouve à Sochi, un autre tweet, j'ai en ma possession 3 ampoules, je les échange contre une poignée de porte. Ceci est une vraie offre. Donc, imaginez, il y a des endroits où il n'y a pas de lumière. Oui, les sockets sont là, mais il n'y a pas d'ampoule. Et puis là, ça continue. Il y a plein de tweets. Allez voir. Dans le fond, c'est le hashtag Road to Sochi ou Sochi 2014. À date, Sochi 2014. Vous allez pas mal suivre beaucoup de trucs. Et n'oubliez pas que dans certains cas, surtout quand c'est des trucs américains, là, eh bien, on nous dit Sochi et non Sochi. Fait que peut-être le hashtag S-O-C-H-I et non S-O-T-C-H-I. On le sait, aux États-Unis, on prononce toujours différemment. Mathieu nous en parlait ce matin, justement. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.